Ah, on attend toujours les mêmes qui finissent leur verre. Ça y est, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette, le deuxième. Ça y est, on va trouver un nom. Et la petite histoire, c'est qu'on avait déjà trouvé le nom dans le premier, puisqu'au bout d'un moment, on est à La Bonne Franquette sur ta banquette. Voilà. Et bien, immédiatement, on s'est dit, waouh, c'est le nom. Épisode un petit peu spécial ce soir, puisqu'on a un guest de qualité, c'est un rappeur, mais pas seulement. Il va se présenter. Salut. Ça c'est ta présentation là. Ouais, ça, voilà. Je suis un peu déçu. T'as toujours été recalé. Je m'appelle A-Rob et je suis rappeur et puis aussi chirurgien d'orteil. D'orteil, uniquement d'orteil. Uniquement d'orteil. T'es pied droit, pied gauche, les deux. Les bissextiles. Bissextiles. Oui. Bissextiles. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais yes, c'est une année sur deux en fait. Ah d'accord. Je crois, ou alors une année sur quatre. En fait, une année sur deux, je suis chirurgien. Ouais. Et l'année d'après? En fait, ça dépend. En bissextile, je suis celle de gauche et puis. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok. Donc la polyvalence. Mm-hmm. Eh ben ça, c'est un homme. Merci. Qu'on aime avoir parmi ses amis. Bien sûr, le deuxième, le grand, le bon, l'ami Vincent. Oui, c'est moi, c'est Vincent. Je me présente donc Vincent, hein, comme son classique. Nom l'indique, comme mon nom l'indique. Et je suis designer. De bras articulés de figurines. Ok. Tu fais que les bras. Ok, d'accord. Bras gauche ou droite? Aussi. Oui, c'est vrai, parce que pourrait peut-être faire un match-up tous les tous ensemble, tu vois. Bah, j'en connais qui font que le bras droit. Moi, je fais les deux. Je suis plutôt. Okay, c'est bien, c'est je suis plutôt. Quand même pour un truc qui est pointu, je suis quand même assez polyvalent. Ouais. Superbe, super, nickel. Moi, je m'appelle Quentin Crepon. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être quelque Mais chose. Mais attends, ton métier. Ton métier, oui. C'était ça la blague, en fait. Oui, je sais, mais moi je m'en fous, je veux que tu trouves un métier pour super, rigoler. Super, nickel. Eh ben écoute, je suis quelqu'un, je suis humoriste, et on peut voir que ça ne marche pas du tout. Voilà, c'est super, donc je comprends pourquoi, mais ça ne se remplace pas. Alors non, le thème. Le truc, c'est qu'on a un running gag qu'on ouais. essaye d'installer, okay. et toi dès le deuxième, tu casses les codes. Parce ça que je suis un sens. Oh. Je suis un vrai rebelle. Oh. Et ouais, c'est ça. Mon métier, c'est rebelle, mon gars. Et ouais. Bah, je suis humoriste et rebelle. Je suis. Tu, en fait, tu fais des spectacles, tu dénonces la société. Ah, moi, mais... je dénonce. J'ai même un blog qui s'appelle jedénonce.fr. Bah, mec, j'ai pas le temps, moi. Eh, ça trace, mon gars. C'est une web émission. La plume est affûtée, la lettre. Aiguisé. Prête. Yes. C'est nickel. Alors, le concept de cet épisode, puisque la dernière fois on parlait des shitty jobs, donc des shitty jobs. Rob, peut-être que tu peux le dire, toi qui as un merveilleux accent anglais. Shitty job. Voilà, parfait, bah, c'est pas ce que je disais. C'est nul. Et, parce que, ouais, il faut savoir que Rob rappe en anglais entre deux opérations. D'ailleurs, sous quel nom on peut te retrouver sur les réseaux? Sur A-Rob Official, sur Instagram. A-R-O-B-O-F-F-I-C-I-A-L. Tout à fait, en anglais. Superbe. A-Rob, voilà, très talentueux, allez checker ça tout de suite. Enfin, après l'épisode, restez avec ouais. nous, hein, comme dit, ouais. Sinon on va se sentir seul. Mettez-vous un rappel dans... Je sais pas combien l'épisode va durer en termes de temps, mais je pense 4 heures 9, minimum. Très peu, moins. 8 moins. Heures 2 minutes, 30 secondes. Bon bah, on arrête. Allez. Bah c'est parti. Au revoir tout le monde. Et non, c'est une blague. On est là, on a toujours, bref, on a toujours pas avancé. Ça fait 3 minutes 30 et on a toujours rien dit. Super, que du vent. Et c'est super. Alors. Bah comme mon compte en banque finalement. Et il est que du vent. Ok, nickel. Bah, comme mon humour aussi, que du vent, j'ai énormément d'air. Tu vois, ouais, bref, du coup, le concept de cette émission aujourd'hui, c'est de parler d'anecdotes du collège, du lycée, de la maternelle, de la primaire, bref, de toute notre scolarité. Ça va être très intéressant, puisque Rob n'a pas totalement grandi en France. Non, j'ai grandi au Liban. Voilà. Et donc, l'éducation, elle était un peu plus différente. Ouais. J'imagine que c'est un peu exotique. Oui, tout à fait. Ça sent la savane. Aïe. Alors, bah, on va éviter ça. Ah, tiens, on a un SOS Racisme qui nous appelle. Superbe. Allô. Oui. Je suis raciste. Ah, d'accord. Bah, merci. Comment finir une carrière? Voilà, en 4 minutes. Bah, c'est un nouveau record. Enchanté. On va commencer, honneur aux invités. Rob, si tu peux. Ah oui, alors, petite particularité aussi de cet épisode. Oui, on a un chat. On a un chat qui va taper des sprints à peu près toutes les 7 minutes. Donc ça va rajouter un peu de mouvement et de dynamisme dans cette belle réunion. Qu'est-ce podcast? Du coup, Rob. Oui. Oui, pardon, j'étais en train d'expliquer. Tout à la fin, on racontera aussi une anecdote. Là, on en a 3 chacun. Qui sont toutes vraies. Et à la fin, on en racontera une. Et il faudra que nos confrères, c'est-à-dire nos trois finalement, essayent de deviner si elle est vraie ou elle est fausse. Rob, tu commences par une vraie anecdote. Par une vraie. Alors, est-ce qu'il y a un ordre chronologique pour savoir Non. Donc, on se lance comme ça. Tu peux rappeler le contexte, collège, lycée, comme tu veux. Voilà. Donc, collège, ok, d'ailleurs, on va dire une fois au collège. T'étais au Liban, alors. Ouais, alors j'étais au Liban, on était dans une école où on était 40, mais toute l'école, en fait, 40 élèves. Ah oui, 40 élèves. Ouais, donc il y avait des classes où il y avait une personne, enfin deux personnes. Quoi? Ouais, ma demi-sœur, elle était avec... ils étaient deux. C'est vrai, dans la classe. Ouais, s'il y avait un absent, il n'y avait pas cours. Mais ils avaient cours. Ouais. Putain, c'est incroyable. Il y avait une classe et tout, et des profs et tout pour eux. Ok. Et puis donc en restant dans ce collège et puis. Mais on est d'accord, c'est une école normale. Ouais. Parce que ça en France, c'est une école privée. Une école publique. Ok, d'accord. Ah putain, c'est incroyable. Une école publique et tout, une école française. Mais après là-bas, vu que c'était des écoles français arabes ou anglais arabes, et le français, bah ça commence à perdre de popularité. Oui. Déjà que tu viens en France. Je te rappelle que je suis français. Oui. C'est vrai, depuis une semaine. Depuis une semaine. Voilà. Superbe. Bah, félicitations. Donc, déjà une semaine. Ouais. Bah, pour moi, t'étais français dès la Déjà une semaine et je râle tout le temps. Ouais, bah ouais, super. T'es vraiment. Genre, j'ai reçu le papier, j'étais là. Putain, ça fait chier. Ouais, grave. C'est glissé dans la peau tout de suite, incroyable. Ouais, mais trop fort. Quel homme talentueux. Du coup. Et donc, oui, on était dans cette école et puis un jour, il faisait vraiment froid et on avait vraiment pas envie d'aller continuer les cours le lendemain parce qu'on avait un examen. Du coup, j'ai décidé avec mes amis de revenir à l'école après les cours. Donc, on est resté à l'intérieur parce que, en fait, faut savoir aussi que j'ai un ami, son père, il faisait toutes les réparations de l'école. Du coup, il avait exprès laissé un trou pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Un trou dans un mur ? Là, un trou dans les protections. Donc, on pouvait les ouvrir et puis ouvrir la fenêtre et rentrer à l'intérieur. Ok. Et mon ami faisait ça pour rentrer. Donc, un trou dans une protection ? Ouais, donc d'accord. On va dire c'est des barres. Donc il y en avait une ouais, comme pas bien. Des barreaux de prison. Oui, voilà, en gros. En fait, c'était clairement. Et prison, ton ami était Hulk car il arrivait à écarter ses barreaux. Non, sauf qu'elle était, elle était cassée en bas. Ah, okay. Il a fait exprès. Ouais, son père. Prison break, incroyable. Donc il pouvait rentrer et puis voler. On va éviter de dire ça. Ok. Aïe, c'est le moment. Comment il s'appelait Daniel. Daniel, le fameux, toujours dans les bons coups. Voilà. Mais il est en prison en plus d'ailleurs. C'est vrai ? En vrai ? Pour vol. C'est incroyable. Comme coup, quoi. Bah, il rentrait et puis il volait tous les tests et les examens et on avait tous 20 le lendemain. Ouais. Mais cette fois, on avait vraiment pas envie d'y aller. Donc bah, on est rentré à l'école et puis bah, on a ouvert les chauffages. Ouais. Et puis le lendemain, toute l'école était inondée. Ah ouais? Parce qu'il y avait plus d'eau, tout le chauffage, enfin, tout l'eau du chauffage est sorti, donc on avait plus cours pendant 3 jours. Et superbe. Voilà. Donc vous, en fait, vous vous plaigniez d'avoir cours? Non, on se plaignait pas. Ah, c'était juste pour foutre la merde? Ah non, on se plaignait d'avoir cours, du coup on a fait exprès de ne pas avoir cours. D'accord. Mais vous étiez dans une classe de combien toi? On était genre 7, 8. Et tu te plains? Je me plains. Et tu te plaignais d'avoir cours? Et quand t'es arrivé en France? Parce qu'on avait un examen. On avait un examen. Non, mais ok, d'accord. Et quand t'es arrivé en France et que tu t'es retrouvé avec 30 élèves? Qu'est-ce que t'as voulu faire là? C'est vrai? Ouais. T'as kiffé? Ouais, ça a changé, le système il est différent. Là-bas on est de 8h à midi, on avait le droit à rien, puis. Enfin, c'est un autre délire. Les profs sont différents, ils frappaient tout le monde, enfin c'était ah ouais, vraiment, c'est pas comme ici. Ok. Non. D'accord. Donc voilà, donc plus ils étaient violents, bah plus nous on était violents aussi. Ah ouais, donc vraiment une escalade de violence. Ouais. C'est comme ça que ça amène à. Qu'on arrive à une guerre d'ailleurs. Ouais, une réaction, Vincent, peut-être? Bah. D'où le fait que j'ai violé quelqu'un après. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais quand même, mais du coup, oui. Tu voulais dire. Ouais, non, je rappelle que ça c'était une anecdote. Bah, le fait que t'aies violé quelqu'un. Tout le temps. Et on a dit que les anecdotes étaient vraies jusqu'à la dernière. Ouais. Donc t'as vraiment violé quelqu'un? Non, j'ai pas voulu. Bah, j'appelle la police. Bah, j'ai pour toi. Ouais, j'ai pour moi. Alors, Vincent? Bah, ma réaction, vu que vous m'avez coupé chacun à votre tour. Ah. Très beau pic passif. Passif-agressif. Bah, exactement. Ma réaction, c'était juste de dire que la guerre, c'est pas bien. C'est vrai. Et que des millions de personnes en souffrent, donc que vous en rigoliez, moi, je trouve pas ça cool, d'accord. Voilà. Oh, ça y est, ça va, on peut plus rire de rien. Exactement. Franchement, depuis que Desproges est mort, non, c'est bon. On va pas parler de ça. D'ailleurs, merci pour le chocolat chaud que tu m'as fait. Parce que je tiens à dire que notre cher ami... C'est recevoir. Oui. Et il fait des très bons chocolats chauds. Bah, tu sais, je merci, voilà. J'allais dire, il a complètement oublié mon prénom. Il a dit mon très cher ami. Et après, il a vraiment oublié. T'as parlé, il me regardait comme ça. Attends, comment il s'appelle déjà? Étienne, Valentin, Quentin. Et le pire, c'est que j'ai vraiment pensé à Étienne. Oh. Eh ben, je te déteste. Merci. En tout cas, très bon sirop de grenadine. Je vois. Alors, qu'il a été préparé avec amour. Il faut remercier Lisa qui l'a laissé dans le frigo. Qui a oublié. Exactement. Voilà. Bah, comme on la connaît. Hein, c'est Big up à Lisa. Ouh, ouais, gros shout out à Lisa. Peut-être que tu peux enchaîner, mon garçon. Oui, alors, moi j'ai une anecdote que j'ai notée sur mon petit bout de papier qui s'appelle Pipi Tarzan. Voilà. Yes. Et c'était les deux mots-clés que j'avais pour retrouver mon anecdote. Et en fait, ça se passait en primaire et c'était un moment, même en maternelle. Et c'était un moment en fait où on pouvait jouer aux jeux vidéo sur les ordinateurs qui étaient à notre disposition. Mais bon, évidemment, il y en avait 8 pour 20 personnes. Du coup, on jouait chacun notre tour. Bah, il y en avait 8 à ces jeux vidéo. S'amusaient. Et 12 voilà, qui se faisaient chier. Extrêmement chier. Et du coup, c'était un peu la guerre pour savoir qui jouait et tout. Parce qu'il n'y avait pas de timer ou quoi. C'était vraiment... oui, je fais le niveau et après je fais le suivant. Enfin, voilà. Chacun, ouais. Et vient mon tour. Et là, j'ai eu une énorme envie de sépi. De pisser. Ouais, on est énorme, mais vraiment de ouf, j'avais jamais vu ça. Alors, sur une échelle de 6 à 8, on est à 7,5. Ah, donc presque le maximum. Ouais. 8 représentants. 8 représentants vraiment l'explosion de pipi. D'accord. Donc, toi implosant dans ta propre urine. Voilà. Tout le monde mouillé de partout. Bah, dans je la suis classe. Dégoûté maintenant. Bah, voilà. J'ai envie de vomir. Et donc j'avais cette envie-là, mais en même temps j'avais aussi envie d'avoir mon petit quart d'heure de jeu vidéo, voilà, je suis un enfant comme les autres. Et je savais très bien que si je partais aux toilettes, quelqu'un prendrait ma place. Qui va à la chasse d'eau. Et c'est, putain, c'était exactement ce que je voulais dire. C'est vrai. En fait j'avais peur qu'on me dise « qui va à la chasse perd sa place ». Je détestais cette expression. Et... d'ailleurs, il y avait une contre-expression qui était « qui va à la pêche, la repêche ». Lol, super. Excellent. J'adore l'humour de primaire. Et du coup, j'étais tiraillé entre le fait d'aller aux toilettes pour exprimer mes besoins naturels et jouer comme un gros sac devant l'ordinateur. Un gros sac ? Parle de quelqu'un qui fait 20 kilos, car tu fais 30 kilos. Je fais 30 kilos tout mouillé. Eh ben mon gars, belle perf. Un sac d'os. Un sac d'os. Et il s'est passé que à un moment je n'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai crié oh non! Et je me suis pissé dessus devant toute la classe. Tout ça pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Tout ça pour pouvoir jouer à Tarzan, qui était une démo qu'on avait installée sur cet ordinateur. C'était nul en plus, je suis sûr. C'était de la grosse merde, objectivement, même si je kiffais. Et voilà, je me suis pissé dessus devant toute la classe. J'ai dû attendre que la maîtresse appelle ma mère pour qu'elle me rapporte un pantalon propre, donc je suis resté dans ma piste pendant une bonne demi-heure. Quand même, ça fait plaisir. Très peu. Waouh. Waouh, wow. En tout cas, j'admire ta flamboyance d'admettre un fait comme ça. Super. Vraiment un peu. Très belle perf. Je te verrai plus jamais pareil, mais belle perf. Alors là, on a parlé de vol. On a parlé parlé de criminalité. Moi, je vais parler d'amour, puisque j'ai eu une histoire d'amour flamboyante, charnelle, extrêmement torride à la maternelle. Alors c'était avec une fille dont je tairai le nom, voilà, mais un jour, voilà. Marie. Alors tu sais lire, c'est bien joué. j'avais vraiment pas envie de dire le prénom, mais bon, maintenant c'est balancé, voilà, tant pis. Donc big up à Marie. C'est Marie Strauss. C'est ça? Non, vraiment. Oui, c'est elle, oui, c'est Marie Strauss, exactement. Bref, big up à Marie si un jour elle écoute ce podcast. Je ne pense pas, mais bon, si jamais tu passes par là. Tu embrasses très mal. Alors, je sens que t'as des comptes à régler de la maternité. Il y a de la rancune. Je dénonce.fr. Je vous ai prévenu, les gars. Moi, on rigole pas. Je suis, Une guillotine, on m'appelle la guillotine dans le milieu. Des comptes à régler depuis le berceau, c'est ça ton... Exactement. Ton épitaphe. Mon épitaphe. Et du coup, bref, en plus, non, c'est totalement une blague parce qu'on ne se rend pas compte de la capacité ou non à embrasser quand tu es en maternelle. Bref, et du coup, je me rappelle même pourquoi. Putain, voilà. On se trouve mignon, tout ça, mais on est à la maternelle, c'est vraiment tôt et tout. Et un jour, on s'embrasse comme ça, un jour. Et on fait, mais c'est carrément trop bien, en fait, de s'embrasser. Et du coup, on s'embrasse comme ça, là, à chaque récré. Enfin, c'est une amourette, une petite idylle un peu folle. Et il s'avère que bien vite, on a quand même envie d'avoir notre petit espace de pudeur, tu vois. On a envie d'être un petit peu tranquille. Et dans notre cours de récré, il faut savoir que près des murs, là où il y avait les salles de classe, il y avait des haies devant. Des haies qui faisaient à peu près 2 mètres, donc on pouvait se cacher derrière. Et dans ces haies, elles étaient forcément plantées, voilà, et de telle sorte, entre deux haies, il y avait un passage. Du coup, on pouvait rentrer dans le passage et se mettre derrière les haies tranquillement. On était vraiment à l'abri de tout. Et ben nous, on avait eu la superbe idée d'aller tout le temps là-bas. Et non seulement, du coup, de se trouver un petit repère, mais en plus, on avait réussi à convaincre un pote... Big up à toi, Paul, de rester devant. Donc pour ça faire... dîne et non, vraiment. Pour faire le garde du corps. Genre vraiment, proxénétisme à 4 ans, tu vois. Ouais. Non, mais voilà. Et du coup, on avait convaincu un pote de rester devant pour surveiller et tout, c'était trop cool. Putain, lourd. Et la petite anecdote de ça, c'est que. C'est un mec qui tient la chandelle, mais lui, il tient un cierge Pascal, mon gars. Ouais, mon gars. Bah, il tenait. J'ai pas plus de blagues que ça, mais voilà. Bref, effectivement, très, très, très, très sympa, Paul. En plus, je l'ai revu très récemment, par hasard. Bref. La... Ouais, vous avez parlé de ça De quoi Non, non. On a parlé de bien d'autres choses, mais on n'a pas parlé de ça. Et juste pour finir cette anecdote, avec cette fille, ça a continué un petit moment et tout. Et il s'avère que voilà, à côté de cette école, il y avait un parc. Et dans ce parc, il y avait un arbre aussi, un arbuste, mais assez grand comme ça, qui devait faire, je sais pas, 2 mètres sur 2, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte, mais en tout cas, des enfants pouvaient aller à l'intérieur se cacher et tout. Et du coup, on allait aussi se cacher à l'intérieur. Et le truc marrant, c'est que à nos parents, à ma mère qui m'accompagnait au parc et à son père qui l'accompagnait elle au parc, on disait ah, on révise nos maths et tout, alors que mais vraiment déjà très peu de maths à la maternelle, réviser des maths à la maternelle très peu. Et puis on révise plus, les nombres imaginaires. Je suis sur les fractions, j'en peux plus frérot là, ça me tue. Mais bref, du coup voilà, du bon gros mensonge, mais c'était pour la cause de l'amour. Pour donc on est c'est excusé. Merci. Et les deux parents, ils savaient, et puis... Bah bien sûr, évidemment. Bon. Et ils nous regardaient d'un petit œil coquin. Eh, hey, c'est des gros baiseurs déjà, ceux-là. Ah, c'était très marrant. Bah, sympa. Rob, next one, Vincent, je sais pas, ou alors je continue, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, je peux en raconter. Allez, go, c'est parti. J'en ai une qui est très mignonne, étant donné que ça a soudé mon amitié à jamais avec, l'un de mes meilleurs amis, finalement. Qui n'est pas toi, d'ailleurs. Ben, je l'apprends en ce moment même, j'étais en train de me le dire. L'un de mes meilleurs amis. Ah, parce que t'en as plusieurs en plus, super. Mais qu'est-ce que c'est que cette crise de jalousie? Je te déteste. Bah, je garde les enfants. Moi, je t'aime. Bah, moi aussi. Oh, yes. Je t'adore. T'es le mec le plus facile à convaincre. On se connaît. Je t'aime pas. Tu changes d'avis vraiment. Très, très vite. Seconde. Bref, du coup, big up, on peut dire son prénom au point où on en est. Big up à Greg. Gary, le bon Gary. Gary qui est son surnom trouvé par Quentin, je crois, non? C'est exact. Ouais. Et voilà, en fait, c'est un mec que je connais depuis la maternelle. Et disons que avant cet épisode, on était potes, mais sans plus, voilà quoi. Et en fait, un jour. Je suis tombé de ma chaise. Non, c'est pas ça qui s'est passé en premier. Un jour, t'as pas bossé. En fait. Le seul truc qu'on t'a demandé, tu l'as pas fait en fait. Exactement. Un jour à la récréation, on jouait au foot derrière l'endroit qui était prévu pour jouer au foot, parce qu'il y avait déjà des gens qui jouaient dessus. Et la maîtresse est venue nous dire qu'on n'avait pas le droit de faire ça, tout ça, on risquait de casser des arbres. Peut-être, je ne sais pas, ce qu'on risquait de casser. Mais car bon, vous jouiez au foot à la hache, c'était ça le... Bah, c'est ça le problème. C'était au Liban. Ah, exactement. Ouais. Non, mais vous aviez des AK-47, vous, je crois. Ouais, c'est... C'est pour ça qu'il y a une balle par match, vraiment. Okay. Et la maîtresse est venue nous dire d'arrêter. Et en repartant, quand elle est repartie, mon ami Greg a dit dans sa barbe « connasse ». Donc, en primaire. Oh là là incroyable. Mais ce n'est pas trop le souci. Voilà, sous le coup de l'énervement, on dit des choses. Ça arrive. On ne pense pas vraiment. Voilà. Sauf que quelqu'un qui était un peu plus jeune que nous avait entendu ça. Il a cafeté. Et la seconde la qui s'est passée, ah, il a fait... Cave. Ouais, vraiment, sur le visage de l'enfant qui entend un truc de fou. Et il a couru vers la maîtresse. Oh la non, la cave. Et il l'a montré du doigt et il a dit... Il a dit connasse. Putain, c'est à cause de gars comme ça que tous mes frères au TIEX y tombent, gars. Mais la zonzon, c'est pour vous, les gars, en fait. Ah, la grosse poucave, mon gars, Nathan, si tu nous écoutes. ça balance. Allant, hey, Nathan, on va te retrouver, mon gars. On va monter une équipe, on va te retrouver. Oh, on va te retrouver, on va te mettre dans le coffre. Tu te souviens la dernière fois, là, quand c'est le manque d'inspi qui, du coup, tu fais la fin d'une blague, et comme ça... c'est pas ça du tout. C'est totalement ça. Et voilà, du coup, la maîtresse a ouï dire de cette insulte. Est allé voir Grégory en lui disant « Tu seras puni jusqu'aux prochaines vacances de récréation. » Donc, heureusement, on était enfant, le 29 juin. Alors, clairement pas. C'est on venait de rentrer de vacances, je crois. Non, il y avait au moins 3 semaines, 1 mois qui devaient passer sans récréation en étant enfermés dans l'école, dans la salle de classe, en nous regardant jouer par la fenêtre et tout. Oh non, ils ont le droit de faire ça ? Ouais, enfin... Ouais. Je sais pas si en vrai ils ont le droit, mais moi je sais le nombre de fois où j'ai été puni comme ça aussi. Tu sais, avec les punitions, il fallait mettre genre 100 lignes, la même phrase oui, et oui, tout. Oui, ça allait être ok. Mais lui, c'était... Pendant la récré. Hein, oui, mais là, c'était vraiment pendant... Pendant toute l'année, ouais, c'est la pire fois, quasiment. Pendant un mois, il est passé. Un mois, mais elle a dit jusqu'aux vacances. Elle tient pas ses résolutions. Bah, jusqu'aux prochaines vacances. Elle serait pas devenue politicienne, cette femme. Mais jusqu'aux prochaines vacances, il y a pas des vacances tous les mois. C'est la femme de Macron. Ah, oula, elle s'appelait Brigitte. Big up Brigitte. Donc, Grégory a été puni à ce moment-là pendant 3 semaines, 1 mois. Et la semaine d'après, moi, j'étais un élève plutôt tranquille, hein, on va pas se mentir. Et par contre, j'adorais me balancer sur ma chaise comme... il déteste ça. Les profs détestent ça. Oui, les profs détestent ça, mais à un point... Et notre maîtresse nous avait dit spécifiquement à nous d'arrêter de nous balancer. Vous, elle toi avait et dit non à nous toute la classe. Ah. Et oui, du coup, j'ai dit spécifiquement alors que c'est plutôt globalement ce que j'allais dire. Mais du coup, elle nous a dit d'arrêter de nous balancer et tout. Sinon, on aurait cash une punition. Et Vlatipa. Que le petit Vincent, qui est un thug, donc à ce moment-là, moi, j'étais en recherche d'identité. Clairement. J'essayais de trouver mes marques dans cette société rejette. Qui nous rejette. Ouais. Qui manipule. Ouais, manipule. Qui nous manipule. Ouais. C'est, ouais. Et du coup, je me balançais sur ma chaise et je suis tombé en arrière. Donc, la grosse mauviette. Et là, qui, le seul truc qu'il fait pour être thug, bah, c'est un truc de merde. Et en plus, il tombe. Il donc, se casse la nuque. On le clone et il était là. Et en fait, je suis tombé. Contre le radiateur, ma tête contre le radiateur et du coup mort. Non ah. Et mais du coup j'ai senti que j'avais tapé quelque chose mais que c'est mort. Mais en fait j'étais tellement un élève sérieux et tout. T'as que fait genre. Tout de suite je me suis redressé pour chercher une feuille pour faire la punition la dite ah ouais, punition directement. Donc directement. Le gars clairement il est à moitié en train de faire un coma. Il a un trauma crânien, il saigne et il fait blanche l'eau s'il vous plaît. Et du coup, je sens un truc couler dans ma nuque et je me dis putain c'est bizarre et je mets ma main et je regarde ma main pleine de et il y avait du sang partout. C'est vrai. Et là, pendant une seconde je me suis dit, mais et la prof, enfin fait... tout le monde a fait. tout le monde est devenu un enfant de 6 ans qui entend un gros mot. Voilà. Et du coup, Rob est parti en fait. Clairement, il s'est levé, il est allé pisser. en plein milieu de ton anecdote, le non-respect absolu du mec qui non seulement il vient en France, ensuite il vient chez moi, je lui offre l'hospitalité et un chocolat chaud. Et un chocolat chaud. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va pisser. Eh bah, je suis devenu français. Ouais, bah profiteur. Bah, je fais exactement ce que... Là, vous le voyez pas, mais il est nu. Hein. Il a surgi des toilettes. Là, je file. Oh, y a le hula hoop nu, c'est terrible. Heureusement que c'est un podcast. En fait, anecdote, depuis... Ouais, ça va, t'entends mon anecdote. Et donc, je disais... Attends, je te fais un bisou. Oh là là. Ah, il se roule une tête. Ah, yes. Oui, bah vas-y. Va pisser. Et du coup, pour en revenir à mon anecdote... Ouais. Tout le monde a été choqué de voir que du sang s'écoulait abondamment de mon crâne. Mmh. Et la prof m'a emmené voir l'assistante maternelle et tout, et ils m'ont rabiboché un petit peu avec des mouchoirs et tout, mais en appelant évidemment ma mère pour qu'elle m'emmène aux urgences. Et, parce qu'eux ne pouvaient pas le faire en fait. Bah, me recoudre. Ah, m'emmener aux urgences? Bah, directement en fait, genre t'as le crâne pété, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'emmènent à l'infirmerie, ils te mettent un peu de mouchoir et disent attends, ta mère arrive. Moyen, ouais, hein, c'est vrai que. Vu comme ça, madame Mess, si vous nous écoutez, bah vous êtes la pire maîtresse du monde. On va vous retrouver aussi avec Nathan, vous non, allez en vrai, venir. En vrai, très bonne maîtresse et j'étais amoureux de toi, Manuel, je peux te le dire aujourd'hui. Et. Parce que tu la tutoies, il y a eu des bails. Non. À 4 à 6 ans. Bah j'aurais bien aimé, mais. Prends exemple sur moi, hein, mon gars. Bah toi, t'es spécial, le maître en la matière. Oui, oui, bah oui, moi j'ai jamais connu l'amour, mais j'ai quand même embrassé une fille. Voilà, c'est ma seule performance d'elle. Expérience. Et donc, on m'emmène aux urgences, tout ça, je suis recousu et tout, mais ça a fait que du coup, bah, j'allais pas en récréation comme les autres enfants. Et j'étais dans la salle de classe, quoi, pendant que les autres jouaient dehors, parce que j'avais vraiment un trou dans le crâne, en fait. Et, oui, t'avais le crâne ouvert, d'ailleurs. Oui, donc ça t'a regardé. Mon cerveau était présent sur toutes les images. Et bah, qui était dans cette salle de classe puni parce qu'il ne pouvait pas sortir ? Grégory. Oh. Et du coup, bah, vu que on était tous les deux et tout, on a bien parlé, on a bien rigolé, tout ça. Même avec la maîtresse qui nous surveillait, je me souviens qu'on se tapait des barres de ouf, hein, comme on dit. Et c'était personne ne dit ça vraiment. Et c'était sur Max, ça tout le monde le dit. Pas. Non plus. Tu vis en 96. Mais c'était un délire total. 92. Bah, j'adorais ça, et ça, c'est vraiment une expression que tout le monde utilise. Oui, là, pour le coup. Ouais. Yes. Et voilà, donc je me suis noué d'amitié, ça a noué et solidifié notre amitié avec Greg, à qui je suis pote encore aujourd'hui, je fais du foot avec lui. Gros big up. Donc voilà, gros big up à Greg. Super. Ouais, c'était cool, mais je me suis dit, mais où est-ce qu'il va avec son truc? Et non, c'est une anecdote fausse! Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est totalement vrai. C'est vrai ou c'est faux? Et quand tu dis non, c'est vrai, c'est faux ça? Non, c'est... quand je dis c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais là c'est vrai. Là c'est vrai que c'est vrai. Ok, donc là c'est vrai. Là c'est vrai. Il n'y a pas de faux? Non. Ok, mais si un jour tu dis ah c'est faux, c'est... ça peut être vrai aussi? Genre ouais, parce que tu peux très bien venir et dire oui c'est vrai, mais en fait c'est faux. Mais genre ouais, du coup, est-ce que c'est. Là c'est vrai. Là c'est vrai dans le sens vrai. Ouais. Et c'est faux dans le sens faux. C'est faux dans le sens faux. Ok, super. Non, non! J'ai dit c'est faux dans le sens faux. Putain, tu. Non, c'est. C'est faux, mais dans le sens que c'est totalement vrai du sens du mot faux. Bah, je suis parti déjà là, en fait. Je t'écoute. Ah, t'es parti aux toilettes. Aussi, ouais. Bah, non, c'est une anecdote totalement vraie, voilà. Et je l'ai trouvée mignonne. Et t'as une cicatrice, du coup? Sympatoche. Oui. Tu peux voir? Si, bah là, mes cheveux ont un peu repoussé. Ah, bah si, là. Ouais, c'est vrai, ah, ouais, tu vois. Attends, un petit peu. Attends, baisse-toi. Ah, ouais! Oh, c'est bah ouais, ça fait un peu badass comme ça, genre. et du coup, bah, quand je vais chez le coiffeur et qu'on me rase un petit peu, bah un petit peu trop, bah ma cicatrice se voit. Superbe, voilà. Harry Potter. Et bon, mini anecdote dans l'anecdote. Oula, attention, ça s'arrête jamais. Du coup, bah quand j'allais en récréation, j'y allais avec un bonnet, alors que c'était en plein cagnard, en plein été. Parce que bon, j'avais quand même un trou dans les cheveux avec une cicatrice pas super jolie, ouais. Et des fils qui dépassaient. Mmh. Donc pas ouf. Et je me souviens que, comme ça s'ébruitait très vite dans la cour de récréation, il y avait les plus jeunes qui venaient me voir parce qu'ils étaient fascinés de oui, voir ça. Oui, parce que t'étais un monstre. Le Frankenstein oui, voilà. de la récré, coup, c'était toi. Exactement. Du coup, j'ai été suivi par 3-4 gamins pendant la récréation qui étaient derrière à essayer de voir quelque chose, alors que j'avais un bonnet. Et donc, grâce à cette honte, yes, bah en fait, aucun respect tout au long du truc. Tout au long il se mouche, il va pisser, tout à l'heure, il va nous insulter directement. Ah, j'ai cru qu'il allait faire. Donc, grâce à ce moment où tu es tombé, ce moment honteux où tu es tombé de ta chaise, car tu étais un thug, je le rappelle, t'es devenu populaire, en fait. Exactement. Et par contre, parce que ça me saoulait d'être populaire, et du coup, pour les faire fuir, je leur montrais vraiment la cicatrice. Mais du coup, on t'appelait Vincent... La cicatrice. Exactement. Non, on t'appelait Vincent Le Trou. On m'appelait... on m'appelait Vincent... Vincent. C'est tout court. Ok. Très bien. Et Seigneur Dieu. Non, mais vous m'avez coupé 8 fois. Mais il y a combien de sous-parties dans ton anecdote là? Non, mais c'est juste c'est un partiel de DUT. C'est ou quoi, juste que je veux juste dire que je les faisais fuir en leur montrant parce que ça me saoulait. Voilà. Et du coup, elle disait et ils partaient. Donc vraiment. J'étais Vincent Frankenstein. Ah, franchement. Vincent. Ok, attends, faut que je mouche. Okay. Voilà, maintenant c'est bon. T'aurais pu dire Franken Vincent, ouais. Qui se serait rapproché de Franken Winnie. Vincent. Non. Est... Ah oui, bah alors moi je voulais dire Franken Winnie, un excellent film. Mais bon, si tu préfères les musiques Zumba érotiques, c'est ton. C'est mon délire. Prochaine voilà. Anecdote, Rob, moi. Prochaine. Allez, okay. Rob, vas-y. Alors, on est toujours. Attends. Tu te lances? Parce que là, moi je vois. Enfin, je te vois, t'es prêt? Mm-hmm. T'es plutôt en maillot de bain? Stylé en plus. Merci. Coq sportif. T'es stylé. Prêt à te jeter à l'eau? Mais putain, je suis en train de faire une blague, tu peux pas me la laisser faire? J'allais faire un setup avec ouais, l'eau est à 30 degrés, on est cool et tout. Bah tu sors. Bah je m'en vais. Tu sors, tu t'en vas? Va aux toilettes. Je vais aux toilettes. Non mais assis-toi, fais pas le con, arrête. Oui, c'est bon. Alors. Et du coup, bah on est toujours dans ce collège. Je te déteste. Il y a 40 personnes. Non, là on était 43 parce qu'on a eu 3 recrues l'année d'après. Ok. Qui étaient des prisonniers. Tout à fait. Qui sont revenus à l'école. Non, du coup, ouais. Vous étiez alors. Et puis, en fait, y avait 5 de mes potes qui s'étaient virés, donc, ce qui fait plus de la moitié de la classe. Ouais. Donc, il ne restait que 3. Je te rappelle, ils étaient 7. Hein. Bah, il restait. 5 en France qui se font virer, tu remarques même pas, ils sont plus là. Ouais, c'est 8. Bah, ils étaient virés de ce cours de français parce que tout le monde faisait chier la prof. Ouais. Tout le monde l'imitait parce qu'elle avait un accent bizarre. Okay. Du coup, il y avait 5 dehors. Et du coup, bah, moi j'étais avec, genre, nous on était les 3 en fait qu'ils ont réussi. Parce que sur les 8, on est 3 à avoir le bac. Le brevet. Ah. Mec, collège. Ah oui, merde, putain. Mais je suis tellement dans le turfu, tu sais. Je l'ai fait à Strasbourg, le bac, ouais. Et puis, on était assis, on était 3 avec la prof. Et puis là, je tourne le regard vers les fenêtres, ouais. Et je vois les 5 dehors en train de me fixer. Ah ouais? En mode... Les 5 virés là. Mais ouais, toi, les 5 virés. Pas les autres de la classe. Toi vraiment, ils te fixaient. Ouais, toi. Parce qu'ils aimaient pas les deux intellos là, de la classe qui étaient... Ouais, ces salauds d'intello là. Et parce qu'ils étaient un peu bizarres. Et donc, on m'a regardé et on me dit, vas-y, viens. Du coup, je dis bon. T'es sorti? J'ai regardé la T'as prof. T'as essayé de te faire virer? Et j'ai dit oui, j'ai mal au ventre. Est-ce que ah, je peux descendre? Ok, d'accord. Et du coup, elle m'a dit ok, descends. Donc je suis descendu, je suis allé aux toilettes. Et là, je tombe sur la surveillante qui me dit aussi T'as quoi et tout. Je dis bah, j'ai mal au ventre. Elle dit ok, bah, va te laver le visage et après remonte et dis à la prof que tu veux te reposer. Donc faut dire que l'école, il est sur 3 étages. Okay. Bon, les 2 étages, ils n'ont jamais servi. Hein, parce que, oui, parce personne, que vous étiez 40. Et il y avait assez de place pour un étage. Hein. Du coup, je suis allé aux toilettes et là je monte. Et donc, je veux mettre ma main sur le poignet pour l'ouvrir. Et j'entends psst. Et j'ouvre ma tête et je vois les 5 au-dessus en train de me fixer. Ouais. Du coup, je dis bah, je vais les suivre. Ok. Et du coup, bah, on est monté. Et puis, on a commencé, on est sorti dehors. On est allé acheter des trucs. Et ouais, puis après, tranquille. On est monté. Et puis, on commence à fumer des cigarettes. Et on buvait et tout. Et là, on entend. Attends, quoi? Et quoi, vous fumiez des cigarettes et vous buviez au collège? Mais attends, mais... Pas moi, j'étais tout oui, petit. Oui, t'es le pire. Par contre, tu peux dire les noms de ceux qui buvaient? Non, non, non, non, non, on va avoir des problèmes avec les mafias libanaises là. Non, j'ai personne. Danny, Ronnie. Oh putain. Danny, Ronnie. C'est... Non, c'est même pas c'est vrai, tu vois, c'est incroyable. Et puis, on était sur le toit en train de. Enfin, ils étaient sur le toit, j'étais avec eux, j'étais en train de fumer, et puis, moi, je buvais du coca. Ok. Oui. Je me rappelle, avec du whisky. Du Coca Zero, ça n'existait pas à cette époque, tu mens. Du Pepsi Max. Ça n'existait pas à cette époque, tu mens. Oui, et puis, bah. Et puis, alors, toi, Roberto, Ronnie, Danny. On s'était dit, ah, bah, on s'est fait choper. Du coup, bah, on commence à descendre. Et là, il y a le directeur qui est énorme, dire comme ça, quand il s'énerve. Et puis, il nous a monté, du coup, il nous a tous mis devant son bureau, comme ça, genre, tous. Aligné et il vous a tiré dessus. Il nous a violé. Encore. Non, il a pris un bâton. On va finir par y croire. Il a pris un bâton et ça c'est vrai. Ouais. Il a pris un bâton et puis chacun il lui a donné un coup. Sur les fesses, genre. Taper ici. Ah ouais. Genre taper au hasard. Putain, c'est taper, chaud. Clac, clac, il est venu vers moi et il m'a tapé. Genre vraiment à l'ancienne et tout. Ouais. Et là, nous a dit venez dans mon bureau. Il a commencé à crier comme un fou. Ah, parce que c'était pas ça la punition. C'était pas ça la punition. Non, c'était, non, juste, non. C'était juste. Bonjour. Voilà, c'était ça. Ok. Et puis on est rentré à l'intérieur et puis on va dire ouais, mais je vais vous virer. Oh là là. Et au bout d'un moment, il a commencé à changer de discours et puis il a dit bon, ok, vous allez signer un truc comme quoi vous allez jamais, plus jamais faire de conneries. Et puis 10 minutes après, il a dit bon, allez, sortez. Ok. Et là, je vais sortir et il m'appelle. Il faut savoir le directeur avait peur de mon père parce que mon père il connaissait pas mal de monde là-bas et puis il pouvait lui causer des problèmes. Ouais. Du coup là, il m'appelle moi. Et puis je dis ok, il me dit attends. Quand j'attends, il sort comme ça, il regarde s'il y a quelqu'un, il ferme la porte, il vient, il fait est-ce que je t'ai fait mal? <C'est vrai. rire> Ah, le mec incroyable. Et là, je le regarde et je dis non, ça va. T'aurais dû dire ouais, et je vais le dire à mon père. Ouais, mais sinon, il m'aurait balancé aussi. Du coup, c'est de l'an dans l'an, tu vois. Donc, ton père aussi, il aurait été. Il m'aurait tapé parce que je serais pas allé en cours. Enfin, ah oui, parce d'accord. Que je suis parti. Et du coup, là, il me fait ouais, parce que je pouvais pas ne pas te frapper devant tout le monde et tout. Mais t'inquiète, je dirai pas à ton père. Je dis, c'est bon, y'a pas de soucis, on est cool et tout. Et du coup, j'ai squatté chez lui pendant 2 heures et finalement, je suis quand même pas allé à ce cours. Ouais, d'accord. Ok, tout ça pour ça. Bah, tu t'en es quand même mangé une, du coup, malheureusement. Voilà, ouais. Mais aventure excitante pour un enfant, vraiment. J'aimerais bien avoir un père mafieux. Bah, c'est un peu le cas, sauf que toi, il est maire officiel, donc c'est un mafieux. Ouais, un mafieux déguisé. Voilà, en col blanc. Hein, col blanc. C'est un white hat. Comme on dit dans le milieu des hackers, alors qu'il n'est pas du tout informatique. Bah, vraiment, à aucun moment on parle d'informatique, hein, donc aucun rapport. Très bien. ok, je vais partir aussi sur une anecdote sur un prof ou un truc. Alors cette fois, je ne dirai pas son nom parce que cette personne existe encore, enfin elle est vivante encore. Elle existe encore. elle est réelle, mon gars. Je l'ai croisée le jour, c'est pas du tout un bug. Bref. Un bug. Ah, donc pour toi, on vit dans une simulation. Alors, franchement, ça serait un excellent sujet, je pense, de podcast. Ouais, est-ce qu'on vit dans une simulation et on invite Elon Musk, enfin que des... Oui, on parle, Elon, si tu nous entends... Et vous fumez comme hier to discuss Elon. Bah là il va pas venir. Ok, et du coup voilà, je dirais juste je dis la matière, c'était une prof de français. On était donc au lycée et tout. Ah, Madame Bertrand. Oui, c'est exactement Madame Bertrand. Clin d'œil. Et du coup, voilà, bon, l'année commence, c'est un peu marrante, un peu sympa et tout. Bon, c'est une femme qui a un certain âge et tout, et en plus, elle paraissait plus vieille qu'elle n'était âgée réellement, puisqu'elle fumait énormément. Du coup, elle avait des chicots et des rides. Absolument ignoble en fait, finalement. Non, j'avoue, pour les chicots ça allait, mais c'est vrai, elle avait des cheveux extrêmement gris et pas mal de rides et tout. Mais une femme. Donc une femme qui est vieille finalement. Oui, mais j'ai pas dit que c'était mauvais ou mal, j'ai juste dit qu'elle était. Elle avait des cheveux extrêmement gris. Parce qu'elle fumait. Oui, bah énormément, vraiment beaucoup, tout le temps, tout le temps. Tu vois. Genre, elle taxait. Même. Même en dormant, elle fumait, ça il faut savoir. Non mais elle taxait les élèves tout le temps et tout, tous les cours. Mais attends, c'était au lycée. Ouais, c'était au lycée. Non, c'était à la maternelle. Elle taxait les élèves des clopes et tout. Enfin, terrible. Un truc terrible. Un vrai trafic et tout. Contrebande. Bref, et donc on est au lycée. Ça se passe très bien. Elle est drôle, tu vois. Elle est un peu tatillon aussi, un peu taquine, tu vois. Elle va prendre un élève, elle va faire 2-3 blagues dessus. Tu sais, elle vise, elle rate pas et tout le monde rigole. Enfin, un vrai sniper. Je veux savoir qui c'est cette prof. Ah ouais ? Elle est pas genre. Elle a pas les cheveux courts ? Non. Non, okay. Non, elle avait vraiment des longs cheveux et okay. Je vais arrêter là parce qu'après, vraiment, tout le monde va savoir qui c'est. Okay. Bref. Enfin, mon but, c'est pas du tout qu'on crache sur cette personne ou quoi que ce soit. Je raconte juste l'anecdote parce que ça m'a beaucoup fait rire. Et voilà, donc au début de cette année, on s'entend super bien parce que voilà, que ça soit la philo ou le français, c'est toujours des matières que j'ai beaucoup aimées parce que je trouve que rentrer dans. Enfin, c'est une matière où on parle de l'univers des auteurs, donc c'est très intéressant. Chiant. Ben oui, t'as fait S vu que toi tu n'as rien compris à la vie. Donc bref, on étudiait des auteurs et tout, c'était très intéressant. Je participais et on avait une bonne entente, tu vois. Genre elle arrêtait de me tacler tout ça. Et au fur et à mesure, ah oui, parce qu'on faisait en fait TPE, c'était en terminale. Et j'étais dans un groupe avec des filles, deux filles absolument charmantes. Mais bon, il y a eu des embrouilles et finalement à la fin de l'année, tout le monde se faisait la guerre. Et elle avait pris le parti pour ses filles qui avaient raconté moult mensonges à mon égard. Comme Bah, j'en sais rien, parce que je les ai jamais entendues. Ah, mais je sais qu'elles avaient parlé énormément. Elles avaient parlé bête, salement bête. Il y en a une qui s'appelait Nathan, d'ailleurs, donc c'est peut-être elle. Encore ça. Exactement. Voilà. Toujours les Nathan. Nathan. Et regarde, Nathan Drake de Uncharted. Bah, c'est pas une poucave, lui. Yes, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, et du coup, bref, ça, et là, du coup, ça commence à partir en sucette, mais grave, elle m'a dans le viseur, t'as tous les cours, elle me tacle et tout. Et. T'as un exemple de ce qu'elle pouvait dire en taclant ? Je sais pas, tu vois, elle remarque que tu fais un truc, elle va le souligner. Un truc en cours, en rapport au cours. Ouais, c'est ça. Après, elle va te le ressortir, mais en mode, t'es un crétin, tu vois. Okay. Genre, elle va le tourner pour te faire passer pour un imbécile en mode, ah bah la prochaine fois, je sais pas trop quoi, tu vois. Ouais. C'était un truc mesquin, tu vois. Enfin bon, bref. Et le truc, c'est qu'elle faisait ça avec tout le monde, tu vois, vraiment. Donc, en fait, elle se rendait pas compte que personne ne l'appréciait vraiment. Puisque même si les gens rigolaient, en fin de compte, vu que tout le monde en prenait pour son grade, personne ne l'appréciait, tu vois. Donc, c'était que des faux. Enfin. C'était de la bonne humeur éphémère, bref. Et du coup, j'ai passé toute l'année à prendre cher, finalement. Et un jour, j'avais vraiment... Ces cours ne m'intéressaient plus, donc à tous les cours, je venais, mais je faisais autre chose. Et un jour, je sais pas pourquoi, dans un élan de folie, parce que moi aussi, j'étais un petit peu thug, j'avais pris ma gomme en main, et je l'avais sous la table, comme ça, tranquillement, enfin vraiment, en mode, ce cours ne m'intéresse pas. Non, ouais. Et elle me fait « Quentin !» Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone portable ? Et là, dans mon esprit, j'ai fait yes. Yes. Là, tu l'entends le son là ? De la revanche et tout ? Et je sors la gomme, je fais mais madame, c'est une gomme, vous en avez jamais vu ou quoi ? Et là, du coup, toute la classe a rigolé, c'était trop bien. Et je me souviens même plus trop ce qu'elle a dit. Ouais, elle a essayé de retomber sur ses pas. Elle a fait ouais, bah que je vous y reprenne plus. Hein, quoi, bref, un truc, voilà. Et là, vraiment. Peu importe ce qui pouvait arriver le reste de l'année avec cette prof, la bataille était gagnée, tu vois. Ah, genre, c'était ouais, vraiment win-win, elle m'esquivait et tout, c'était trop bien. Vu qu'elle a le pouvoir et tout, il suffit juste de lui en glisser une fois et paf. Mais j'ai morflé jusqu'à avoir cette opportunité, j'ai morflé, tu vois. Et alors là, bon, c'était trop bien. Et à la fin de l'année, juste avant le TPE, où j'ai eu 2 d'ailleurs, alors que les filles avec moi ont eu 14. Quoi ? Enfin bon, bref, c'est une longue histoire, bref. Okay, et, et du coup, elle m'avait glissé. Enfin, le sous-message c'était vous aurez jamais votre bac, monsieur Écrepon et tout. Et clairement, je l'ai eu. Donc, madame Bertrand, j'ai eu salope. Mon bac. Ouh. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Salope. Il l'a sorti. Je le pense, mais. J'étais pas dans ce lycée. Non, voilà. Salope. Honnêtement, sans rancune, vieille peau. Donc, alors, prochaine anecdote. Moi anecdote. Anecdote. Qui allez, il y a des blancs. Arrivé aussi un moi... truc comme ça, j'ai déjà arrivé. C'est vrai. Ou genre j'avais la calculatrice, mais moi je faisais exprès, genre pour lui en glisser. Ouais. Du coup, genre il m'énervait, du coup exprès je prenais mon. Tu faisais genre aussi pour que. Et puis genre lui en plus il arrive genre tout content, moi lui j'allais genre il arrive, il voit la calculatrice, je le regarde, il me fait mais. Je dis mais c'est ma calculatrice, il me fait mais on est en cours de français. là pour le coup. Non mais ça fait quand même le gars qui s'en fout, tu vois, genre peur. Ah on est en cours de français. Bah très bien, et il continue à faire 3+3. Ouais, c'était marrant. Voilà. Vous écriviez aussi elle baise sur les calculatrices ou soleil. Les enfants, franchement, non, parce que les garçons elle baise et les filles soleil. Hein. Moi j'écrivais que soleil parce que je j'avais pas la connaissance de elle baise, mais sinon j'aurais écrit ça. C'est vrai? Donc tu regardes, ouais. Je regrette. Ok, t'es un faux fragile en fait. Ouais. Superbe. Okay. Non, je suis un vrai fragile parce que même si j'avais eu connaissance. J'aurais écrit que pour moi. T'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Le mec tout seul, il ose même pas, tu vois. Ouais, ouais. Ah, c'était marrant. Non, mais nous, on était là, péter des rêves. En plus, il y a une grosse faute d'orthographe, puisqu'on peut pas faire de AI, c'est un, ouais. C'est un 3 à l'envers. Terrible, je déteste ça. Bref. Du coup, prochaine anecdote, qui on a? Bah, on peut passer à moi. Ok. C'est plus une anecdote collège-lycée, mais plutôt université. Puisque c'est une anecdote de la période DUT, donc les 2 ans que j'ai passé avec Quentin, que j'ai rencontré années. Là-bas. 2 très belles années. Voilà, 2 très belles années. Et en fait, au début de ce DUT, ah oui. J'ai rencontré une fille avec qui ça s'est très bien passé, etc. C'était l'amour fou, comme on dit. Ouais. Hein. Mon premier grand amour. C'était... Oh, parce que c'est fini, bah, t'es tout seul. Et ouais, je suis une grosse merde, putain, je vais appeler tous les soirs. Et c'est bien. Bah, je déteste. Et en fait, on était tellement proches que pendant les cours, bah, on était tout le temps ensemble. Et le problème, c'est que quand on est avec sa copine à côté, on voilà. Collé serré. Évidemment, il y a des petits bisous, voilà, des trucs. Des petites caresses, etc. Et bah, je l'ai baisé devant toute la classe un jour. Non, c'est faux. Non, j'étais là, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu t'es trompé de fille, c'était pas elle ce jour-là, mais tu t'en es jamais aperçu. Et c'est trompé de fille. Ça devient incroyablement comme histoire. Attends, faut que je mouche. Ok. Et du coup, les profs avaient l'habitude de nous faire des remarques disant « Bon, arrêtez de fricoter, machin, etc. » Et un jour, on était dans un cours avec des ordinateurs, et chacun son ordi et tout, et j'étais comme d'habitude à côté d'elle, voilà, des petits bisous, etc. Et il y a un prof qui en a eu marre de cette situation. Parce qu'il était jaloux. Et ouais, qui s'est écrié « Vincent !» L'autre fille. Il a dit l'autre fille. Il n'a pas dit son prénom. Car vraiment, tu avais 6 filles. J'avais un harem. Donc il savait plus qui. Exactement. Fille et Vincent et l'autre encore. Et il a dit ce n'est pas un bésodrome ici. Et du coup, tout le monde nous a regardés. C'était gênant. C'est extrêmement gênant. Mais faut dire que le mot bésodrome était quand même très sympa. Ouais. Moi, j'ai applaudi le mot bésodrome. Très beau néologisme sur le moment. J'ai bien kiffé. À ce moment, je ne l'avais jamais entendu. Car ça n'existe pas comme mot, je le rappelle. D'où ça le fait que c'est pas un néologisme, non. Bah, je vais checker tout de suite, car... Si, bésodrome, je crois que j'ai vérifié, ça existe. Alors, ce serait incroyable. Lieu réservé aux ébats amoureux. Waouh, wow, c'est incroyable. Oui, ça existe. C'est fou. Bah écoute, on en apprend tous les jours et on se couche. Grâce à qui Wikipédia. Arrêtez, mais arrêtez. Dites pas ça. Après, les gens ils vont dire c'est des copieurs. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Et voilà. C'était mon anecdote. Bah elle était cool. Elle était cool. Mais elle je me souviens. Attends, je crois que j'étais là parce que. Bah oui, j'imagine. Hein, on était dans le même TD. Ouais, on était souvent ensemble aussi. On était même dans le même TP, donc t'étais forcément. On était tout le temps ensemble. Tous les jours, on se voit. C'est incroyable. Bah ouais. C'est fou. En tout cas, je suis petit moment. Ah attention. Petit moment d'amitié. J'ai déjà avoué mes sentiments amoureux d'amitié envers. Envers Grégory. Ouais. Et maintenant, j'ai envie de te dire, Quentin, que voilà, je suis très content de t'avoir rencontré là-bas. C'était très cool. Canard. Oui. Merci, viens là, on se fait un canard. Oui, le canard. Voilà. Bah, Rob. Bon lire à Mestelon. Le câlin que personne n'entend, finalement. Personne ne le voit. C'est physique, mais en tout cas, Et comment vous imiteriez un câlin? Câlin. De manière sonore. Voilà. Câlin. Ouais. Ou alors. Ouais. Ou alors. Ouais. Attendez. Oh, aïe. Je crois que c'est parti trop loin. Oui. C'est caresse, câlin, ça devient bizarre. Ok, très bien. Rob, t'as fait ta deuxième? Oui. T'as fait ta deuxième? Oui. J'ai fait ma deuxième. J'en ai fait 3 déjà, moi. Ah, t'as fini le round. Yes. Ok, Rob, il en reste une chacun. Et après, on passe aux anecdotes. On va essayer de pas trop tarder. Ça fait quand même 50 minutes qu'on est en train maintenant. Ah, c'est des minutes de bonheur. Donc, non, moi, finissons, tu vois, mais sans trop rentrer dans le détail. En 2 mots, ton anecdote. Allez, vas-y. Alors, j'ai commencé, et puis en fait, voilà. Ah, c'est déjà beaucoup trop de mots. Ah. Non, mais du coup, c'est quoi? Bah là, en fait... Il n'en a pas, c'est ça. Que, j'ai une fois au carnaval à Pontonnier. Mais attends, ça, c'est vrai ou pas? Ça c'est, on est toujours dans les vrais, là. On est toujours dans les totales. Toujours dans les vrais, puis on s'est déguisé et tout, et puis on m'a filmé en train de rien faire en cours d'anglais. D'ailleurs, elle est sur Facebook, et la prof, elle l'a vu. Okay. Et alors, si tu vas sur Facebook, là, pour tu l'instant, c'est la vidéo, très peu. Tu vas voir qu'on était assis, et puis en fait, genre, je foutais pas grand chose. Ouais. Tu me sens en train de manger et tout. Bah, en fait, c'est incroyable, dans tous les cours, tu ne fais rien. Mais j'ai quand même eu mon bac, hein. On dirait moi. Bah, bien joué. Bac ES, merci. Oh yes, allez. Là, on s'est tapé la main. Voilà. Donc, c'est encore une fois, on voit pas, mais comment est-ce qu'on imite. Enfin, bref. Bah, oui. On vient de faire la. Exactement. Et bien, en fait, c'est tout à fait pas intéressant ce que je raconte parce que j'en avais pas d'idée. Ok. Mais c'est une vraie. Ça va où en fait? Ça va nulle part. C'est vrai. Ça va nulle part. Ah, le charlatan. Putain, mais quel arnaqueur ce gars, c'est ouf. Bon, bah écoutez, je vais clôturer alors ce cercle d'anecdotes vraies et puis on passera au vrai ou faux. Jingle officiel? Non. Ouais, t'as raison. Du coup, il faut savoir que sur YouTube, grâce à l'internet, on peut trouver des recettes de cuisine. Des recettes de ménage aussi, c'est-à-dire des comment fabriquer des produits ménagers, voilà, genre de choses. Alors, bref. Et on peut aussi trouver des recettes pour fabriquer des bombes. C'est vraiment la gradation qui finit sur Daesh. Et il s'avère que quand t'as bon, je sais plus, c'était au collège, mais je sais plus trop quoi, mais à une époque, c'était la gloire d'un truc qui s'appelait les pétards du pauvre. Ça commençait à envahir un petit peu tout YouTube et tout, et en fait il s'avère que ça consiste à mettre de l'aluminium avec de l'acide chlorhydrique dans une bouteille fermée. Super, donc là t'encourages les gens à le faire. Non, justement, il y a un disclaimer. Chez vous. Exactement, il y a un disclaimer, ne faites pas ça chez vous, c'est extrêmement dangereux. Ne faites pas ça tout court. Mais vraiment, attendez l'anecdote parce que c'est vraiment vraiment très dangereux, donc ne faites pas ça chez vous. C'est réalisé par personne, même les professionnels ne font pas ça, donc ne faites surtout pas ça. Et du coup voilà, et en fait quand tu mets de l'aluminium et de l'acide chlorhydrique dans une bouteille, il y a une réaction chimique qui se crée et ça fait énormément de fumée, de la pression et le truc explose et ça produit une matière visqueuse qui brûle énormément de manière, enfin c'est terrible. Alors, en fait ça colle, donc c'est à dire que tu peux même pas l'enlever, et si tu l'enlèves avec ta main parce que ah bah là t'as les doigts, tout un enfer, vraiment un truc très très dangereux, donc surtout pas faire. Et voilà, il s'avère que bon, il y a des pétards du pauvre comme ça qui commencent à se faire à côté de mon collège, au récré, en dehors des heures de cours et tout. Et moi, je traînais je traînais avec des gens qui étaient un petit peu dans le milieu, tu vois. Il y avait un Nathan dedans Non, très peu de Nathan. Ah non, sinon Mahmoud, il y aurait Poucave. Peut-être. Ouais. Jean-Pierre. C'est pas du tout raciste. Non, mais voilà, c'est... Jean-Pierre. Mais attends. Il a fallu dire un truc, il s'est retenu. Je l'ai vu, il a fait. Non, c'est bon, moi je sors. Quoi, t'allais dire un truc raciste encore? J'allais dire, tu sais, quand dans les émissions là, pour de la police, c'est quand ils disaient. Ah oui. Vous avez fait son prénom, on va l'appeler Jean-Yves. Ouais. Genre, il s'appelle Jean-Yves. Ouais, alors effectivement, on va l'appeler Maximilien. Et du coup, Maximilien avec. Max. Vous l'appeliez Max? Non, parce qu'on a un pote qui s'appelait Maxime. Qu'on surnommait Max et qui était pas dans la bande comme ça, mais bref, c'est aussi un pote à nous. Bref, donc on va l'appeler Maximilien Pegasus, voilà, référence à Yu-Gi-Oh, c'est totalement gratuit. Et donc Maximilien Pegasus, il avait des plans de comment faire. Il est possible que, voilà, j'ai dessiné les plans dans son agenda pour faire des pétards du pauvre et des versions qui permettaient de faire des fumigènes. Enfin, vraiment, j'étais devenu un artificier de génie. T'étais Jesse Eisenberg. Exactement. Mais non, bah, j'ai dit, c'est possible. Peut-être que je l'ai fait, peut-être que je l'ai pas fait. Hein. Car je rappelle, c'est hors la loi. Donc, je sais pas si quelqu'un l'a fait. Bref. Et Céline, coup, si tu nous écoutes. Et du coup, il s'avère que il s'est retrouvé avec tous ses dessins dans son agenda. Et cette grosse poucave... il est allé balancer, je me rappelle plus pourquoi. Non, parce que effectivement, le personnel de l'établissement a entendu parler de ces pétards du pauvre et tout, notamment parce qu'il y avait des cadavres de bouteilles devant les trucs. Et comme c'était dangereux, on se rendait pas compte à l'époque. Enfin, les gens qui faisaient ça se rendaient pas compte. Bref. Et du coup, comme c'était un habitué, là, Maximilien Pegasus, à faire des conneries. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec le son de Dosset habitué? Bah non. Ah d'accord, bon, c'est juste, d'accord, je voulais pas te couper pour ça. Pour, clairement, clairement, clairement si. Non, non, clairement non, non, si. Non. Bref, et du coup, putain, je sais plus où j'en étais maintenant. Oui, donc voilà, le personnel lui dit, ah Maximilien Pegasus, on sait que c'est toi, tu vas tout avouer, où est Pablo Escobar? Et du coup, et ils lui mettent une moustache et il part en Colombie. Vendre de la coke. Ah, Pablo Escobar, il a vendu de la coke. Non, c'est pas du tout, putain, on va trop loin. Et du coup, bref, il balance tout. Et un jour, je rentre du collège, et quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir ma mère dans la cuisine, adossée à un mur, avec une lettre dans la main. Elle attend, elle me regarde rentrer dans la cuisine, elle dit « Donc, c'est quoi ça ?» Et là, il y avait un problème, tu vois. C'est le fameux, c'est comme quand tes parents disent ton nom plus ton prénom, tu vois. Genre, quand ils disent « Quentin à table !» Mais « Quentin et Crepon !» Ah, t'es foutu, mon gars. Tu sais que c'est game over. Et bref, c'était ce fameux ton-là, tu vois. Et elle avait ce papier en main. Papier que je redoutais dès à présent. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce truc? Et elle me dit, c'est quoi ça? Elle me montre et c'était une convocation au commissariat suite à ces trucs et tout. Donc là, mon gars, la grosse flip, t'es au collège, c'est pour un truc extrêmement dangereux. Parce que là, on parle quand même d'explosif, tu vois. Enfin, un truc, ça peut peser très lourd et tout. Donc finalement, on va au commissariat et bon voilà, et finalement il y a rien. Le gars me fait un coup de pression, tu vois, il fait mec, fais attention, à partir de maintenant, c'est à jamais dans ton casier du judiciaire, quoi que tu fasses, on va te retrouver et tout, bref. Wow. Sur un gamin, mais il se faisait chier, je pense. Ouais, voilà. Mais après, il a raison, parce que comme dit, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Il faut réveiller. Vaut mieux faire de la prévention que d'avoir des morts et tout. Donc, bravo à lui. C'était un peu brutal, mais bravo à lui. Mais d'ailleurs, bravo à la Poucave, parce que. Moi, qui t'a Poucave? Ouais. Bah, c'était Maximilien Pegasus. Ah, ok. Et lui, il en faisait, tu vois. Et en plus, il rigolait à fond, tu vois. Mais il avait Poucave parce qu'il avait trop peur et tout, tu vois. Lui aussi, il s'est fait balance? Je sais pas s'il allait au club. Bah, bon, on s'en fout. Et bref, et du coup finalement voilà, il se passe rien, tout le monde rentre chez soi, coup de pression, et puis il s'avère que les pétards du pauvre continuent un petit peu quand même, tu vois. L'artificier que je suis s'est totalement retiré du game, mais voilà, il y en a qui ont repris le flambeau, voilà, exactement. Et donc, qui soupçonne-t-on dans ces cas-là? Évidemment c'est ceux qui les oui. qui avaient déjà. Alors pour le coup, j'ai eu de la chance, vraiment, j'ai été disculpé immédiatement, ils m'ont pas du tout ils m'ont pas du tout cherché. Mais du coup, ils ont appris très très vite, parce que retournement de situation, ce mec a fait des pétards du pauvre dans la cour de récréation en fait, avec des enfants en pleine récré. Et donc forcément, il savait qui c'était en fait, parce que c'était le seul à courir comme un con en mode tu vois, genre il savait que ça allait exploser, qu'il y avait un truc et tout. Mais extrêmement dangereux, complètement taré, le gars. Malade. Que c'est Ben Laden, c'était Ben Laden. aujourd'hui il est mort, donc non, ça fait plaisir. Ouais, non, bref. Et du coup, ce garçon qui s'appelait Gérald. Mais non, c'était Maximilien. Non, c'était un autre. Donc Gérald, lui, il a été convoqué, il a été viré définitivement. Alors que c'était Maximilien Pegasus qui avait repris le flambeau, et c'est lui qui était devenu le cerveau de l'opération, tu vois. Mais c'est Gérald qui a tout pris dans la gueule. Bon, après, comme dit, il en a quand même fait dans la cour de récré, au milieu des gens, et tout, très très dangereux. Il est devenu quoi, lui, d'ailleurs? Gérald? Alors écoute, je l'ai recroisé parfois quand je reste à Lingolsheim et que je le croise. Tu cours très loin, car exactement. Il en a toujours dans les mains, donc il fait ah Quentin, oh bon vieux temps et tout. Donc voilà. Et par contre, pour finir cette anecdote, un jour voilà, il y avait une petite session explosion. C'est très très très dangereux de dire ça, mais il y avait une petite session explosion voilà derrière notre collège sur la piste cyclable, et il y avait un autre élève qui passait par là et qui avait l'habitude de faire un peu le malin, mais tu sais, il jouait à l'abruti, tu sais, en mode je comprends pas ce qui se passe, et c'était son gag pour faire marrer les gens et tout. Et donc ce garçon qui s'appelait Batouane, il s'appelait Batouane. C'est un mélange entre ton chat et... Et Batman. Et Ousmane. Il s'appelait Batman. Et Batman, pardon. Et du coup, un jour, ce fou, littéralement, il a ramassé une des bouteilles qu'on venait de faire. Ouf. Il se baladait avec et elle a pété dans sa main. Et la chance qu'il a eue, c'est que, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, la bouteille n'a pas explosé comme elle devait le faire. Et elle a explosé derrière, en fait. Wow. C'est le cul de la bouteille qui a explosé. Du coup, elle est partie comme ça en tourbillon, enfin elle a fait des rotations sur elle-même en l'air, et lui n'a rien eu, tu vois. Mais il était là, genre, il restait juste le goulot. Le goulot de la bouteille, et il était là comme un abruti, trop marrant, alors que il s'est pas dit, tiens, j'aurais pu y rester. Mais clairement pas, en plus ça fait du bruit cette merde quand ça explose, et puis même la matière visqueuse noire que ça fait, tu te dis... Bah, mauvais délire, vraiment, t'as pas envie de toucher à ça, bref. Et ce gars, voilà, il était... Et aujourd'hui, il est encore... T'as carrément lancé, genre... Un mouvement de... Je t'ai dit, je suis rebelle. Humoriste, rebelle. Et c'était quoi le troisième truc? Je sais plus. Bah, il y avait que ça. Oui, humoriste et rebelle. Bah, jamais 203, donc humoriste, rebelle et... Ok. Yes, ok. je fais beaucoup de ok, bref. Ouais. Voilà, donc c'était... Mais comme dit... Vraiment, ne faites surtout pas ça. Moi, je ne sais pas si je l'ai fait. Peut-être que je l'ai fait, peut-être que je ne l'ai pas fait. Ne faites surtout pas ça. C'est vraiment, vraiment très dangereux. Donc, ne faites pas ça. Bien, ça fait une heure pile qu'on fait ça. C'est incroyable. Le temps passe vite. Je suis extrêmement fatigué. Je pense qu'on raconte tous un petit peu tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi ça. Le défi et le délire. Le plaisir, voilà, c'est ça. Oui. À la base, c'est une conversation entre potes. On l'a fait. Nous, ça nous fait marrer. Donc, on la partage. Voilà. Mais voilà. Ouais, mais en même temps, on reste courtois entre nous parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Parce que normalement, si vous n'êtes pas là, normalement, ça part en bataille. Ouais, exactement. Mais là, on se retire. C'est bien, Pierre. Il faut savoir qu'on est en costume. Ouais. On a tous un petit verre d'eau. Sauf moi, je suis en calbut. Oui, c'est vrai. Je tiens à le préciser parce que je suis sorti des toilettes en rush. T'as laissé ton costume là-bas. J'ai laissé mon costume là-bas. Mais il est à l'aise, Rob, et comme chez lui. Je ne me sens pas à l'aise dans cette conversation. En tout cas, je tiens à dire que ça fait peut-être une heure qu'on enregistre. Mais ça faisait 3 heures qu'on était ensemble autour de la table et qu'on discutait. Ok, et l'intérêt de ça? Bah, de dire qu'on est des bons potes. Après, bon, si t'as pas de cœur, tu peux même pas le prendre. Non, j'ai pas de cœur. Bah, moi, je déteste. Exactement, je déteste tous. Ok, donc on va passer maintenant aux anecdotes. Ouais. Vros. Oh là là, le nom marketing, pas ouf, mais t'as eu le mérite de trouver un nom personnalisé et ça... Ça merci applaudit. Beaucoup. Bien joué. Les anecdotes Vros, on va garder ça. Est-ce que quelqu'un peut faire le jingle frais lui qui s'est chanté, Rob, un jingle. Vros, avec Vros. Les anecdotes Vros. Bah voilà, j'ai rien pu faire. Voilà, super. Bah allez, vas-y, on fait un battle de jingle. Vas-y, à toi. Ok. C'était quoi déjà Les anecdotes Vros. Rob. Les anecdotes Vros. Ben c'est nickel, merci. J'adore, je m'incline, c'était trop bien. Du coup les anecdotes Vros, puisque t'as trouvé le nom, tu commences. Ok, alors c'était, donc là je le rappelle, le concept. Vrai ou faux? Vrai ou faux, toujours est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Hein? Tu vas aller aux toilettes? Non, je dis toujours, c'est toujours dans le collège, délire, collège et tout. Ouais, c'est la scolarité. Ouais, voilà, scolarité. Eh bien, tu ne fais pas si bien dire, car l'anecdote que je veux vous raconter s'est passée au bac. Aïe. En fait, le jour du bac, c'était l'épreuve de maths, je crois. Maths, je pense. Bah oui, j'avais ma calculatrice, bref. C'était le bac de maths, et en fait, donc j'étais en S. C'était un peu stressant pour tout le monde. Le bac de maths, gros coef, etc. Vraiment, le truc, il ne faut pas. Hein, ouais. Le truc, il était en ES, on s'en foutait. Bah, moi, j'avais fumé un joint et je suis allé. C'était la détente. Hein. Et puis, waouh! J'ai rien pu faire. Enfin, si, je l'ai quand même eu. Ouais, moi aussi, facile. Sans réveil. De... Calme. Alors, donc, vas-y. Okay, et mais d'ailleurs... Toi qui stressais. Donc, on stressait tous un petit peu pour ce bac. Et en fait, il y a quelqu'un qui a... Ah, pardon. Désolé. Bah, je déteste. Je sais. Il y a quelqu'un qui a tellement stressé que pendant l'épreuve... Il s'est chié dessus. Putain, j'allais le dire. Oh non! Mais un truc. Alors, on a commencé à sentir une odeur, tu vois. Merde, mais je pensais que personne n'avait remarqué. J'ai fait gaffe pourtant. Fais chier! Fais chier! Oh, allez! En plus, j'ai commencé en disant merde la phrase, mais vous avez pas remarqué ça. Et en fait, ça commençait à sentir un petit peu. Et on voyait que les esprits pas assez chauffés, mais tout le monde se regardait un petit peu, genre en mode. Qui s'est chié dessus? C'est quoi cette odeur, quoi? Et là, il y a un gars qui lève la main et qui dit. Est-ce que j'ai vraiment la voix tremblante? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Et la surveillante dit ok. Enfin, elle avait aussi remarqué l'odeur. L'odeur, ouais. Et elle dit ouais, ok, je vais t'accompagner. Et parce que en fait, ça, le truc c'est que quand il s'est levé, il y a eu un peu de oh non sur, par terre. Oh non, mais c'est ignoble. Mais en fait, il était malade. Il était en short. Il était en short. Bah oui. Ah voilà. Le truc se passe en été. Bah j'espère pour lui, sinon c'est très bizarre. Ignoble, le pauvre. Le pauvre. C'est horrible. Du coup, la prof l'a accompagné avec le surveillant. Normalement, il y avait un gars qui attendait un surveillant aux toilettes pour attendre et tout. Mais elle est carrément allée avec lui jusqu'aux toilettes et tout. Et elle a dû chercher des trucs pour nettoyer, enfin bref. Et ça a fait que pendant quelques minutes, on était seul au bac de maths. Ouais. Et bah... C'est quoi ta première pensée à ce moment-là? Bah, plus personne n'a pensé à la merde. Tout le monde a pensé à... Qu'est-ce que c'est la réponse? C'est vrai? Et mais vous avez triché ou pas alors? Bah oui, tout le monde a triché de ouf. Ok. On est tous quasiment allés vers la même personne. C'est toi? Non, pas du tout. Attends, mais t'as triché toi aussi? Toi, oui. T'as triché? T'as eu combien? Ouais. Oh le bâtard. J'ai eu 14 au bac de maths. Et en trichant? En trichant, donc pas ouf. Et qu'est-ce que ta mère a dit de cette histoire? Bah, je lui ai jamais raconté. Parce que c'est faux. Ouais. Vous donc, vous dites que c'est faux? Juste parce que j'aurais pas raconté à ma mère? Non, mais moi j'ai rien dit pour l'instant. Ouais, ouais, moi non plus. Si, bah si. Non, mais... c'est pas moi. Du coup, alors la fin, c'est quoi Bah, la fin, c'est que la prof est revenue, le gars... Non. Le gars, il est pas revenu, il a été... Il a dû disparu. Repasser... Bon, il est parti, disparu encore, adieu. Il a dû repasser l'épreuve, parce que ça faisait que, je sais pas, 30 minutes sur les 4 heures qu'on était là. Et il a dû repasser l'épreuve. Ouais, j'en sais rien, après, j'ai pas suivi, quoi. Ok. Alors moi, je propose qu'on ait le droit chacun à aller. Une question une, chacun. Deux. Deux questions. Une question, chacun. C'est pas beaucoup. Okay. Deux. Ok, ça marche. Putain, c'est chaud. Hein. Ouais, de trouver des questions immédiatement. Comme ok. Ça. Bah, sur ce qu'il vient de ouais, raconter. Ouais, pour voir si c'est vrai. Il s'appelle comment? Il s'appelait Mathieu. Mathieu comment? C'est une question. Bah alors, par contre, le nom, je t'avoue, j'en sais rien. Je sais plus. Okay. Il n'était pas dans ma classe, il était dans une classe, une autre terminale de chez nous. Un autre terminale de chez vous, okay. Ouais. Ok. T'as une autre question? Non. Putain, j'avoue, moi j'ai pas de questions qui me viennent. C'est bien ficelé. En tout cas, si elle est fausse, franchement, c'est bien ficelé. Elle est crédible. Franchement, elle est crédible. Bah, ça peut arriver, surtout. Ouais, mais il y a un peu tout dans ce monde, donc. Mm. Peut arriver quelqu'un. Ultra stressé et tout, c'est ouf quand même. En tout cas, si elle est vraie. Et du coup, je vais faire un petit shout-out à ce bon Mathieu. Si elle est vraie, bah écoute, mec, on espère que tu vas mieux. C'est vrai que je l'ai nommé le pauvre. Bon, je pense pas qu'il écoutera, mais. Bah, moi, je vote anecdote fausse. Ok, et toi? Moi, je dirais. Moi, je dirais. Je sais pas pourquoi je dirais fausse aussi. Mais je pense. Non, je pense que c'est vrai. Vrai? Ouais. Vrai, faux? Ouais. C'est faux. Allez! Yes! Oh là là, c'est bon ça! Mais ça découle quand même. Il y a ça une découle. Toute petite vérité. Ça découle comme de la merde d'un short. Du short de Mathieu. Du short de Mathieu qui n'existe pas du coup. Grosse pensée à toi, Mathieu, qui n'existe pas. T'aurais pu exister parmi les millions dommage. De spermatozoïdes. Eh ouais, pas de chance. Chais. Et en fait, le. Juste pour te contredire, en fait, oui. Ouais, je sais. La juste petite vérité, c'est que. C'est toi qui t'es chié dessus. Bah non. C'est que. Il faisait très chaud, il faisait extrêmement chaud. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait la trace de sueur. Il portait un chino, donc il avait vraiment la trace de sueur la plus énorme que j'ai jamais vue au niveau du cul. Ouais, l'arrêt. Voilà, l'arrêt. Et c'est tout. Bah, gros shout out à toi, homme qui transpire. Ah, bah franchement, elle était bien. Honnêtement, crédible. Il y a deux, trois trucs qui m'ont mis sur la voie. Genre Le fait que tout le monde se mette à tricher, que. Mais mec, t'es au bac de maths. Non, non. Tu te retrouves tout seul et tout, c'est trop bizarre. Une épreuve de maths comme ça. C'était trop bizarre, c'était trop énorme. Pour un seul gars qui va aux toilettes, c'est-à-dire qu'elle l'accompagne, il n'y a personne qui vient. Non, ils auraient appelé un surveillant ou je sais pas, ce genre de choses. Ouais, okay. Mais franchement, bien joué. Hein. Bah, j'ai eu le doute. Hein. Franchement, j'ai eu le doute. Hein. Je me suis dit, waouh. C'est bien pensé. Yes. Rob. Ok, bah moi je peux me lancer. Bah, une fois t'es... Lui il pourrait dire j'ai tiré à la calache, on dirait bah, ah non, enfin c'est faux. Et ça serait vrai. Ouais. Bah alors j'étais ici, en okay. France. Donc, j'étais au moment où je passais le bac. Donc le mercredi j'avais cours dans trois lycées ouais. différents. Donc moi j'avais mes cours à Pontonnier de 8h à 10h, ou 10h à midi je crois. Et après de 14h. À 16h, j'avais cours au Fustel, cours de musique, et de 16h à 18h, j'avais cours de. T'as cours de musique au lycée ? Trop de précision. Au lycée ? Oui, lycée Fustel, cours de musique. Quoi ? Non, t'as jamais eu cours de musique ? Si, mais au collège. Bah oui, bah au lycée, ça existe. C'est des options facultatives que tu peux prendre. Ouais. Mais c'est trop précis. Il se rappelle de son calendrier précis. Tu sais, il va me dire ouais, attends, je m'en rappelle. Et puis, bah oui, parce que c'était le seul jour où j'avais cours dans trois écoles différentes. Oui, c'est vrai que ça, on s'en Et à 18h, bah, j'avais. Enfin, de 16h à 18h, j'avais cours d'arabe au lycée Cassin. Et puis, okay. bah là, j'étais en cours de musique. Il était 14h, puis j'étais là. Enfin, je suis en train de faire les cons avec mes potes. Enfin, ils étaient derrière. Et puis. Encore une fois, en cours, tu fais les cons. Encore une fois, comme d'habitude, hein, j'ai une nouvelle école. Et puis, je reçois un message, enfin un appel. Du coup, bah, je réponds. Et mon pote qui était avec moi en cours d'arabe, il me fait. Je dis, ouais, allô, il fait, allô, ouais, Roberto. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Et je suis en cours là. En plus, je réponds en cours. Non, vraiment le gars au calme. Donc, je dis, ouais, je suis en cours, qu'est-ce qu'il y a ? Il me fait, bah. T'es pas là ? Je dis, oula. Il me fait, bah, là, on a une épreuve. Je dis, qu'on a quoi comme épreuve ? Il me fait, bah, on a l'oral d'arabe qui va compter pour le bac. T'es censé passer il y a 20 minutes, t'es où ? Et là, je me dis, ah, merde. Shit happens. Ouais. Du coup, je dis, bah, dis au prof que j'arrive. Et du coup, bah, j'ai dû quitter, je lui ai expliqué à la prof qui m'a dit, bah, pourquoi t'es portable ? Je dis, bah, que voilà, j'ai eu un appel et tout. Elle m'a dit, pourquoi t'es répondu ? Je dis, c'est pas ça la question, je dois passer un oral, c'est important. Du coup, elle m'a finalement laissé partir et j'ai parlé, j'ai couru du Fustel qui était à Place Kléber jusqu'à l'Esplanade. Ouais. Pour choper, je suis arrivé et t'as le prof d'arabe qui est arrivé, qui a commencé à m'engueuler et au final il m'a quand même laissé passer. Ok, donc t'as passé l'épreuve. Donc j'étais tout seul, ouais, tranquille, et puis j'ai eu 19. Oh, shout out, Roberto. Bravo. En même temps, c'est des preuves d'arabe. C'est vrai que. Enfin, c'est ta langue natale, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai appris ça pendant 15 ans. Donc lui, gros tricheur. Lui, il arrive comme ça à un moment de oui, alors lisez ce texte, donc enfin, lisez le truc qu'on va dire, et puis essayez de trouver la traduction. Truc le plus nul on va le faire, même s'il y a des gens qui ont eu 2-3, hein. Bon après c'est pas leur langue, mais du coup voilà, j'ai bien assuré. Donc alors moi je retiens quand même que non, moi je pense c'est les fausses. Allez, je dis les fausses directement, sans plus de questions, je dis les fausses. J'essaie de trouver une question quand même, mais ça paraît assez crédible, mis à part le fait que tu répondes en cours. Parce que, en fait, ce qui me met un peu sur la voie du faux, c'est que déjà ouais, t'as répondu dit, en tu cours. Tu l'as dit et après tu t'es justifié. Ouais, en fait. Ah oui, parce que j'ai répondu en cours. Hein, ouais, ça, ouais, c'était bizarre ça. De quoi, mais ok. Genre, okay. En fait. Bah, les idées, il vient. Je pense, on dirait que vraiment t'as. Pour la suite de ton histoire, fallait que tu répondes au téléphone et du coup t'as répondu machinalement et après tu t'es dit. Merde, c'est vrai que je vais être en cours à ce moment-là, ouais. Et du coup, t'as fait « Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai répondu en cours. » Ouais, et puis même la réaction que t'as, genre « Mais c'est pas ça l'important quand la prof te pose la question et que tu lui réponds « Mais c'est pas ça l'important, je dois passer. » Je sais pas, ça, bon, ça serait possible, tu vois, mais en fait, moi, j'aurais rien dit. J'aurais dit « Non, il faut vraiment, j'ai une épreuve de bac, là, et je serais parti, tu vois, vraiment. Hein. » Et le truc, alors ça, c'est plus une blague, mais le fait que t'aies eu 19 et pas 20 alors que c'est ta langue natale, bah, soit c'est la loose, soit c'est un mensonge. Moi je dis que c'est faux aussi. Ouais. Et bah franchement, c'est la loose parce que c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh putain, ouf, bien joué. Et bien en même temps, quand je raconte, par exemple pour le truc de Portal, bah, ouais. En fait, je raconte en même temps, du coup les idées me viennent, du coup okay. je reviens à l'histoire et tout. Putain, bien joué. Et, hein. Il m'a juste mis des notes parce que. Non, ouais, moi je pense. Pas mettre 20. Ouais, voilà. Il dit que c'est vrai juste pour garder la face. Ouais, c'est vrai. En fait. Ouais. Tout ce que tu racontes ouais. Depuis que t'es né, c'est faux. Voilà, c'est ma vie est une mensonge. T'as mensonge et on est. J'ai pris la pilule rouge et en fait, fallait que je me réveille. Matrix. Mais comme dire aussi le fait de répondre au prof, bah, je suis un peu chaud à ce niveau-là aussi. Du coup, je répondais quand même. Ouais, mais je comprends. Mobile, je comprends, mais c'est juste que répondre ou pas. Moi, j'entends épreuve de bac. J'ai vraiment pas envie de repasser mon bac. Ouais. Donc, genre, je pars moi, c'est tout. Même pas en part. Vraiment, j'ai une épreuve de bac. Mais ok, donc toi t'as préféré casser un tête avec lui faire un bras de fer et ensuite partir. Bah ouais, voilà. En plus, c'est marrant parce qu'il m'est arrivé quasiment la même chose. C'était pour le bac de TP de chimie. Donc, fallait venir et faire une épreuve où on faisait des solutions et tout, machin. Et en fait, j'étais persuadé de passer le mardi à 14h, alors qu'en fait, je passais le lundi à 14h. Et donc, j'étais là, tranquillement, en train de réviser, comme depuis une semaine. Et oui, parce que le reste de l'année, je n'avais rien révisé du tout, évidemment. Mais une semaine avant le bac, il faut. Et ce qui est la technique de 95% des lycéens. Et du coup, on m'appelle pour me dire, bah, enfin, t'es où ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es censé passer l'épreuve, là ? Je fais, hein, quoi, comment ça ? Mais non, c'est demain. Bah non, c'est aujourd'hui. Et c'est maintenant, là, c'était il y a du coup, ma mère m'a emmené en voiture en bombardant sa race pour arriver un tant soit peu en retard, mais à l'heure. Donc, je suis quand même arrivé bien en retard et je suis passé après des gens et tout. Et voilà, ouais, j'ai eu le bac. Cette épreuve, je sais plus combien j'ai eu exactement, mais en tout, en chimie, j'avais eu 14. Donc, ok. Mais ça a vraiment arrivé quelqu'un une fois, c'est déjà arrivé, Quentin ? De quoi ? D'avoir un. En retard, ouais, ou de pas se réveiller. Oh, ça m'est arrivé ça. Et trop souvent. Non, trop mais souvent. pour des épreuves officielles. Bah, franchement, l'épreuve de français à l'oral, j'ai failli pas y être à temps. L'épreuve du TPE, bah là, ça m'avait tellement saoulé cette histoire avec les meufs, la prof et tout, que j'ai failli ne pas y aller. Et au final, je me suis dit, allez, fuck it. Et à la fin, j'ai couru ma race pour y être à temps et tout. Et en fait, finalement, on passait genre 30 minutes plus tard. Donc, j'étais en sueur dégueu, ce qui n'arrangeait vraiment pas. Moi, c'était pour le BTS aussi, pour l'épreuve d'oral. Je ne me suis pas réveillé. Du coup, j'ai dû les appeler. Et c'était à Colmar qu'il fallait aller. Ah ouais, bah oui. J'habitais à Strasse. Encore un autre délai, ouais. Et du coup, bah, j'ai dû barder pour arriver. Je passais à 10h. Je suis quand même arrivé là-bas à 11h. Ouais. Donc, je m'habillais tout. Et puis, au final, j'ai passé à 16h. Donc, et je l'ai raté. Et du coup, t'as bombardé sur l'autoroute, t'as pas eu de PV ni rien. Non, j'ai roulé tranquille quand même. Ok. Mais ouais, non, du coup. Faut respecter la limitation de vitesse. Exactement, c'est vrai que. Bah, surtout, d'où le fait que j'ai 2 points. Hein. Et ne pas faire de bombe. Respectons surtout la vie d'autrui. Et tu rappelles cette anecdote dans laquelle je ne suis peut-être ou pas impliqué. juste pour te répondre, en fait, généralement, enfin, je vais toujours au contrôle, sauf que si c'est une matière qui m'intéresse pas ou vraiment je sais que j'ai eu la flemme de réviser, j'arrive, je fais acte de présence à 30 minutes, après je décale, tu vois. Et après, de l'autre côté. Ok, alors anecdote, parce qu'en fait j'en avais une qui était vraie, mais je me suis rendu compte que je te l'ai déjà racontée. Ah. C'était celle avec. D'ailleurs, je t'ai peut-être raconté aussi, Rob, c'était celle avec l'agression au cutter gare de Saint-Ouen. Je sais pas si tu l'as déjà raconté. Non. Mais bon, toi, je t'ai déjà raconté, oui, donc voilà. Ouais. Du coup, je suis juste en train de voir. Ah, donc là, tout de suite, t'en as pas. Il faut qu'on comble. Parce qu'en fait, il a un dossier où il y a toutes les anecdotes. Non, c'est vrai, j'ai vraiment j'ai un fichier avec plein d'anecdotes. Donc, avec plein d'anecdotes. Oh, c'est super sympa. D'ailleurs, il y a celle-là. En première et terminale, j'avais une prof de français très spéciale. Et voilà. Et ce qu'on pourrait faire, c'est vu qu'on note quelquefois nos rêves, ouais, on pourrait faire une session où on raconte. Ah ouais, Putain, ben alors moi, ça me fait chier parce qu'en ce moment, je ne rêve plus. Ouais, moi non plus. Ou alors, je rêve de certains trucs, mais je ne peux pas les raconter. Comme des trucs qui disent que tu en manques. Non, tu peux carrément rêver de ça. Ouais, je suis désolé, vu que surtout que tu as encore exactement, ouais, donc je peux pas être en manque. Ouais, voilà. Ok, non, j'en ai une, mais. Si tu crois que tu l'as déjà. Ah merde, c'est qu'elle est vraie. C'est qu'elle est vraie, et oui. Bon, alors, ok, allez. J'en ai. Alors qu'en fait elle est fausse. Non, honnêtement, j'en ai. Ou alors c'est un contre-coup. Oh, ça fait 1h20, j'en ai pas de fausse dans les médias, donc je raconte une vraie. Elle est vraie, vraiment vraie, elle est vraie. Quand j'étais plus jeune, j'étais. Orphelin. Exactement. Et bah, c'est vrai. Et depuis, ça a changé. J'ai retrouvé mes parents. Non, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, genre le gars, il est croisé au. Papa, maman. Bah oui. Bah oui. Bah waouh. C'est vous. Genre, le gars passe d'orphelin à. Vous avez été dans une ville. Il apprend qu'il a 18 frères et soeurs. Enfin, le bordel absolu. Bref. Et du coup, non, en vrai, vraie anecdote. Mais j'ai jamais eu de console de salon parce que voilà, famille monoparentale, pas forcément riche, tout ça. C'est faux. T'as eu une Wii. vraiment la console. Mec, t'as dit, j'ai pas eu de console de salon. La Wii, c'est quoi? Une? Oui, c'est vrai, c'est une console de salon, effectivement. Mais elle est vraiment pas chère. Surtout que je l'ai pas eu en 2006 quand elle est sortie. Donc elle est encore moins chère. Bref, le chat repart dans ses délires. Et donc, bref, j'avais surtout des consoles de salon, tu vois, que j'avais. Non, des consoles portables. De portables, pardon, que j'avais grâce aux cotisations de mes anniversaires et tout, donc voilà. Et c'était trop cool parce que vraiment, du coup, je pouvais jouer n'importe où tout le temps, ce qui a fait que je suis devenu gamer très tôt. et pendant longtemps, j'ai eu très peu d'amis, j'étais vraiment enfermé. Bref, c'est une période sombre de mon histoire très, très complexe, donc on va pas l'aborder, mais. Du coup, j'avais cette console de salon incroyable. Cette console portable. C'était une DS. Alors j'ai eu effectivement, en fait j'ai tout eu. J'ai eu la Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Micro Advance, enfin tous les trucs de ouf. Et à ma communion, j'ai eu la Nintendo DS, voilà. Que d'ailleurs. DS ou DS Lite? Non, DS. J'ai jamais eu la DS Lite. Moi j'avais la grosse DS grise de travail. Tu m'as juste appris que. Tu faisais pas les communions pour avoir des cadeaux et tout, tu faisais ça parce que tu es croyant. Non, Jésus notre Seigneur. Voilà. Non mais en vrai c'est juste que voilà, c'était important dans ma famille et honnêtement c'était pas du tout une question d'argent, c'est, il fallait faire comme ça parce que ça faisait plaisir et tout et puis après ça reste aussi un parcours initiatique. Qu'est-ce qu'il y a? Il me croit pas du tout, ça se voit, c'est vrai. C'est non, la spiritualité crois, c'est très très important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis croyant mais pas en religion actuelle, voilà. Même si je m'intéresse par exemple énormément au bouddhisme et qu'on respecte bien sûr. Bien sûr, chacun, si franchement croire en Dieu ou quelque chose vous fait du bien, mais franchement allez-y à fond, c'est trop bien, c'est trop bien. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux ou faire si de ça vous... peut vous faire des guerres entre vous. Oh là là, ça y est, tu serais pas aussi. Tu aurais pas un site qui s'appelle je dénonce 2.fr? Non, le mien c'est .blog. .blog, je dénonce.youpi. Qui est, je pense, un vrai alias aujourd'hui, puisqu'on a .buzz par exemple. Je dénonce.buzz, incroyable. Morandini, je dénonce.alsace. Ça peut se faire. Et le gars, il a que des bannières anti-grand test, bref, trop long. Et du coup, j'avais, au fur et à mesure du temps, un jour, je pars en Corse, et un de mes cousins a une PSP incroyable. Genre, décédé, tu vois, parce que c'était les CD, tu vois, les UMD, je crois. Ouais. Les UMD, tu sais, c'était même pas des CD directement, c'était dans une sorte de cartouche, pour faire un truc de ouf. Et waouh, incroyable, tu pouvais regarder des films, joystick, ouais, c'était trop bien. Ouais, tu pouvais jouer. Et là, je me suis dit, mais... waouh, trop bien quoi. J'avais l'impression d'avoir une PS2 entre les mains, tu vois, ce qui était plus ou moins le cas. Oui. C'est franchement la PSP incroyable, hein. Machine de génie. Bref. Existe encore d'ailleurs. Oui, elle existe encore. Maintenant, il y a la PS Vita qui l'a remplacée, qui avait la même ambition, voire même mieux. Sauf qu'ils en ont rien fait. Du coup, c'est devenu la pire console. Il y a eu 15 jeux. Ouais. Trop bien. Wow. 15 jeux dont 2 seulement bien. Non, en vrai, il y en a plein, mais c'est devenu surtout des mini-jeux pas très intéressants. Bref, plus de gros jeux. Bref, et du coup, j'avais la PSP, Monster Hunter, tout ça, enfin, que du lourd, Midnight Club 3 et tout, trop bien. Et voilà, je m'intéresse à ce qu'on appelait le flashage. Donc, c'était, tu flashes, tu hacks ta PSP pour pouvoir lancer n'importe quel jeu dessus. Donc, toujours, hein, la légalité. Mais avant, c'était peut-être vrai ou faux. Enfin, je veux dire... quand tu parlais de faire des explosifs, on ne sait pas si tu l'as vraiment fait. Non, là tu l'as fait alors. Je mérite la cour martiale et la peine de mort. Non, bref, et du coup, je m'inscris forcément à un site qui parle de ça et tout, qui a des tutos pour apprendre à hacker sa PSP et tout. Et en plus, j'avais trop l'impression d'être, tu sais, genre de hacker la CIA, alors que vraiment c'était appuyer sur croix pour hacker votre PSP. Et j'étais là, tu sais, il y avait un texte blanc qui défilait avec écrit flash memory card, ok, ROM sauvegarde, ok et tout. Et j'étais là, waouh, trop bien. Ouais. Bref, alors vraiment pas un truc ouf, tu vois. Bref, et du coup, voilà, je m'inscris sur ce site et je développe une passion pour le hack PSP. Et je deviens vraiment rédacteur, reporter, tu vois, reporter. je suis devenu un rapporteur 90 degrés, nickel. T'es devenu une poucave. Mon deuxième prénom, c'est Nathan. Maintenant. Non. C'est moi, Nathan. Le masque tombe, c'est moi, les gars. Putain, Greg, il te déteste. Ouais, j'imagine. Et bref, du coup, waouh, ça fait si longtemps, 1h25 qu'on enregistre. Par contre, j'ai pas l'impression que ça fait 1h25. Mais non, c'est pas vite. C'est vrai que ça passe vite pour vous. Vous me l'avez dit la dernière fois que ça passe vite. Ah, c'est incroyable. Et bah ouais, ça passe trop vite. D'ailleurs, on espère que vous êtes tous. Si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours là et que vous écoutez, dites oui. Voilà, on vous entend pas, mais on espère en tout cas que vous êtes là. Envoyez oui, oui. au 3627. Non, faites un tweet. Oui, hashtag oui. Juste ça, oui, hashtag oui, et on comptera le nombre de participants, probablement zéro. À part moi, je vais créer un compte exprès pour tweeter ça. Bref, et du coup, je deviens rédacteur pour ce compte et tout, et ça marche super bien. Genre, voilà, je me prends de passion, en plus j'adore tout ce qui est vocabulaire, tout ça, donc je me prends de passion un petit peu pour la rédaction, et je deviens un membre officiel de l'équipe, un membre VIP et tout, et mes articles sont publiés, tout ça. Donc vraiment un boulot carré. Quoi. Et puis un jour, cette période me lasse, et je me dis, bon, en plus la scène de hack devenait inintéressante, il se passait plus grand chose, je me dis, allez, à quoi bon ? On va partir sur les chapeaux de roue, on va se faire un petit plaisir et on va partir. Et là, malin comme je suis, j'ouvre Photoshop et je crée une fausse jaquette de jeu que j'intègre sur un screen, je sais plus, je crois que j'avais pris micromania.com ou un truc genre, bref, un site, et là je fais genre, waouh, regardez ce que j'ai trouvé sur un site, mais depuis ça a été supprimé, enfin un gros hoax, tu vois, une fake news avant l'heure, Donald Trump, si tu me regardes, big up, je te déteste, et du coup je publie ça, et là boule de neige, effet snowball, l'article est repris de site en site, de jeuxvideo.com, il se retrouve sur des sites japonais, il y a même des gars sur YouTube qui font des vidéos, sur ce jeu, ça s'appelait Ghost Recon Final Mission, tu vois, et alors j'avais vraiment mis, j'avais fait bien la jaquette, tu vois, tous les trucs à leur place et tout, et moi j'étais là dans mon fauteuil, enfin, je rigolais sur le fait que le monde s'embrasait devant mes yeux, alors qu'en fin de compte tout le monde s'en foutait. Mais bref, voilà, j'ai créé un faux jeu qui a fait le tour du monde, qui a fait, il y a même un forum à propos de ce jeu qui existe toujours sur jeuxvideo.com. Alors, quoi, qui existe toujours, hein. Alors je sais pas s'il a été supprimé depuis parce qu'il n'y a pas de nouvelles de ce jeu, mais je vais taper ça tout de suite. Donc vraiment t'as fait un fake final. Regarde, tu le trouves dans la barre de chat. Ghost Recon Final Mission. Et ah ouais, mais ah oui, non, du okay. coup il y a d'autres, ouais, il y a d'autres trucs qui sont sortis depuis. Ghost, ah, tu vois, Final Mission sur Gamekult. Donc là, il est carrément pour nous pour faire comme si. Ah, ouais, ça date de 2012. Disponible courant 2012, éditeur Ubisoft. Alors là, par contre, il y a pas de. Je pense que donc si, pour faire comme si. Tiens, c'était ça la jaquette. Je la mettrais. C'était ça. J'avais fait ça et je l'avais mis à côté d'un screen d'Assassin's Creed 3 et tout pour faire croire. Wow. Et voilà. Putain, c'est ouf quand même que juste pour faire comme si son anecdote était vraie, il est allé chercher des images d'un vrai jeu qui est... Putain, c'est ouf, bravo. Mec, non, bravo. Mais voilà, tu vois, j'avais fait... Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et mec, ça a fait le tour du monde. Là, en fait, on le voit pas, mais je montre le screen de la jaquette. Et ça a fait le tour du monde. Et mec, j'étais là en mode... Putain, mais c'est si facile de désinformer les gens. Parce qu'en fait, c'était moi la seule source. Et tous les sites se sont dit « Oh, il y a un truc et tout !» Et ils ont copié. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fin de compte, les infos, c'est vraiment de la merde. Et depuis ce jour, honnêtement, enfin, depuis environ ces eaux-là, je ne regarde plus du tout les infos. Non seulement parce qu'ils racontent que les trucs tragiques, donc c'est démotivant à soi. Mmh. Et puis parce que, voilà, il y a très peu de choses sont en réalité. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier ? Voilà, c'était mon anecdote et elle est 100% vraie. Écoutez les amis, ça fait vraiment 1h28 qu'on enregistre. C'est très long, on a passé un très bon moment. J'espère que vous avez apprécié. C'était super. Moi, j'ai apprécié à part le moment où tu as raconté cette anecdote. Parce que bah, tu me l'avais déjà raconté. C'est vrai ? Ouais. Oh merde ! Putain, je pensais pas. Oh, je suis deg. La dernière ? Ouais. C'est vrai ? Et tu as rien dit. Ouais, t'es trop gentil, t'as rien dit. Non, mais en fait, je pensais que du coup, Rob devait trouver si c'était vrai ou faux ou pas. Ah. Et du coup, je voulais aussi l'induire un peu en erreur. D'accord, ah, c'est pour ça que tu plaçais le... Ouais. Ah, bien, ouais, je m'y ouais. Ah, là. Sauf que t'as pas suivi. T'es un vrai pote. Non, parce que comme dit, j'étais vraiment cœur vaillant. Je me suis jeté dans les bras de l'honnêteté, tu vois. Ouais, je suis lyrique ce soir, moi, dis donc. Je voudrais t'y mettre un démon, tiens. Au rap. Allez, c'est parti. Un papier, un stylo. Alors, je dénonce. Mister je m'appelle Al. Bref, du coup, voilà. On se retrouve très bientôt, très très vite, pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette. Hey Rob, un petit mot, un dernier mot. Je vous aime. Oh, est-ce qu'on peut parler des actualités de Hey Rob ? Oui, voilà. T'as sorti un single récemment. J'ai sorti un single récemment, un freestyle d'ailleurs, qu'on a tourné avec Quentin. Merci beaucoup. Le single, c'est Flip the Switch. Flip the Switch, exactement. Voilà. Qui est très très bien, très dansant. tout à fait. Moi j'aime beaucoup le flow. Comme dit, je suis pas fan de l'instru parce que pour moi ça fait un peu Mario Kart, tu vois, mais après c'est les goûts et les couleurs. En tout cas, ton flow et ton texte, excellent toujours. Merci. Et même globalement, ce que tu fais, tout est trop bien, sauf un son, je ne dirais pas lequel. Bah, pour l'instant, il me regarde, il fait, bah, je te déteste. Et donc, Flip the Switch qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, tout. YouTube, partout. Tout. Il est même disponible dans. Bah, partout. Et du coup, voilà, des freestyles, il y a encore du lourd qui arrive très très vite. Allez le suivre sur, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Vincent, toi, web designer, on peut peut-être vendre tes services. Web designer, directeur artistique d'exception, on peut même dire de génie. De génie. Voilà. Moi, je me qualifie comme ça. Sur ma carte de visite, il y a écrit Vincent de génie. Weigel, directeur artistique, meilleur virgule, génie. Génie. Directeur. Wow. On peut te retrouver sur Instagram et sur Dribble, Vincent Weigel, tout attaché. Alors, V Weigel sur Dribble. Ouais, V Weigel sur Dribble. W-E-I-G-E-L sur Dribble et Vincent Weigel, tout attaché sur Instagram. Voilà, d'excellents graphiques, d'excellentes courbes et vraiment un directeur artistique très très talentueux. Merci beaucoup. Voilà. Et toi, Quentin, alors le directeur créatif. Écoute, réalisation, photographie, motion design et effectivement direction créative, c'est-à-dire accompagnement d'une personne dans son projet, que ce soit musical, que ce soit corporel, peu importe, on est là pour mettre en valeur et sublimer son projet avec des images, donc voilà. Et là, tes actualités, c'est que tu fais beaucoup de clips. Beaucoup à Strasbourg, effectivement, et d'ailleurs, petite anecdote. Tu commences à te faire un petit nom. Ça fait plaisir. Après, c'est bête à dire, mais c'est le travail qui paye, tu vois. C'est quand même, par exemple, aujourd'hui, je suis rentré assez tard d'un clip qui a fini d'ailleurs en. Je trouve que t'es un peu vantard là. Qui a fini en feu. Ouais, voilà, il y a eu, à la fin du clip, il y a eu deux voitures brûlées, des coups de feu et tout, donc c'était assez rare. T'es un peu vantard, et je dirais même que t'es un vent qui vient du nord. Qui vient tard. Est-ce que tu es un souffle chaud ou froid qui vient tard dans la journée? Tu es un vent tard. Petite ref à l'épisode 1, mais bon. Mauvaise ref. T'es même pas fan de ton propre contenu, c'est incroyable. Bah là, vu que c'est toi qui parlais, j'écoute. Bah je te déteste. Et du coup, bref, voilà, portez-vous bien. Vraiment, c'est très important. Portez-vous bien, que de l'amour sur vous. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette.